groupe de Bulles de Rêve. Bonjour, bonjour, c'est Bulles de Rêve, évidemment, c'était un petit peu trop rapide, j'ai voulu faire trop... c'était un petit peu... Alors, évidemment, ce mois-ci, vous l'aurez compris, un Bulles de Rêve qui va être sous la vision musicale, on va dire, du Hellfest, puisque pour une fois, ça faisait longtemps, et Annecy et le Hellfest ne sont pas passés en même temps. Alors, ce que je vais faire, c'est... Alors, regarde, je vais partir là, je vais te laisser juste dire... Alexis est en train de pivoter et de basculer de la régie Jacques Perdereau au studio, je n'ai plus le nom du studio, proprement dit, de Radio Libertaire, Emma Goldman, si je me souviens bien. Et il s'assoit maintenant en face de moi, à côté de ses deux invités, et il redémarre Bulles de Rêve. Merci beaucoup, j'adore quand tu me fais le commentateur comme ça, en direct. Merci beaucoup, Nicolas. J'aurais pu te le faire face au arrivé de tiers. Et maintenant, oui, c'est ça, Alexis qui passe le Fiddle Bow. Pour ceux qui se souviennent, hein, c'est ça, c'est... C'était un peu, voilà, retour de Radio Libertaire. Malheureusement, vous avez loupé, enfin j'ai loupé, c'est pas vous, j'ai loupé la dernière émission qui était en plein mois de, qui était en plein Festival d'Annecy, donc un peu notre grand rendez-vous du monde de l'animation. Et je devais normalement vous passer une interview que peut-être je vous passerai un tout petit bout. Malheureusement, le son est pas génial d'un réalisateur qui s'appelle Félix Dufour-Laperrière pour son film Villeneuve. Et d'ailleurs, avant... avant de donner ma parole, non, ça se fait pas quand même. Alexis, reprends-toi un petit peu. Mais vous savez, alors là, ça a été un peu rapide notre entrée. Vous avez entendu Envy, c'est un groupe japonais de screamo, donc qui crie très fort. C'était l'un de mes grands coups de cœur du Hellfest. Et toute la programmation musicale va être uniquement sur du métal. Je vous préviens. Donc voilà, vous le savez, ça sert à rien voilà, vous le savez. Point, maintenant, on passe à autre chose. Nicolas s'en étouffe en voyant les titres des groupes et les titres des morceaux que l'on va passer. J'accueille pour la première fois Elvire. Bonjour. Oui, bonjour. Rédactrice en chef du site Istasia. Oui, tout à fait. Voilà, qui va nous parler notamment de tout ce qui était asiatique, et pas que japonais d'ailleurs, au Festival d'Annecy. Et un autre petit nouveau... Non, si seulement. Nicolas Tisse, bonjour Nicolas. Bonjour. Qui est, vous le savez, qui est bon, quasiment, qui fait partie de Bulles de Rêve, et sinon qui est aussi un rédacteur dans pas mal de magazines, dont 24 images, la superbe revue, maintenant beaucoup plus sur Internet, québécoise, hein, qui fait des choses assez incroyables. Je voulais commencer avant qu'on s'assoie tranquillement, qu'on parle ensemble. Évidemment, vous allez avoir mon coup de cœur du mois musicalement. Je vous cache rien, c'est exactement le même groupe qu'on vient d'entendre, à savoir Envy, donc vous savez un petit peu. Je voulais juste, et ça va être très rapide, pousser un petit coup de gueule, un peu rapide. Le film dont je voulais vous parler, dont je voulais vous passer l'interview du réalisateur, Félix Dufour-Laperrière, s'appelle Villeneuve. Si vous regardez où vous voulez, par exemple, Allociné, n'importe où, hein, vous allez voir quasiment qu'il ne passe quasiment plus. Il est passé très rapidement au bout de la deuxième semaine à l'Espace Saint-Michel à 16h15, voire dans 2-3 séances, alors que Toy Story 4, bien sûr, est dans 70 salles, au moins sur Paris, si ce n'est plus. Alors oui, rien de nouveau, on ne va pas réinventer aujourd'hui le monde de la distribution. Mais il y a quand même, c'est vraiment dommage parce que on prive là réellement le public d'un autre style de cinéma. Ne nous plaignons pas, et nous les premiers, si on parle d'impérialisme américain, mais si vous, le public, parce qu'il faut quand même l'appeler comme ça, on va plutôt voir Toy Story 4 en disant « Ouais, mais c'est quand même sympa pour les enfants », plutôt que de se battre pour voir des films comme Villeneuve, des films québécois qui parlent de l'indépendance du Québec, qui parlent en plus, ici, sur Radio Libertaire, de sujets, je pense, qui peuvent nous intéresser. On ne peut pas se plaindre après que l'impérialisme américain est sur nos écrans, et qu'en tout cas Toy Story 4 ou les X-Men l'emportent assez facilement. Je crois que ça passe aussi par la culture. Vous savez qu'on a un vrai problème, là, depuis quelques jours. La présidente du CNC, non pas que je l'avais dans mon cœur, Dominique Brenin, a priori ne va pas être reconduite à ses fonctions. Et c'est a priori un monsieur qui est fortement lié à notre président actuel qui risque de prendre peut-être les rênes du CNC. Le CNC, si on a cette chance encore en France d'être une terre d'accueil pour un nombre de réalisateurs, de réalisatrices qui viennent du monde entier, si on a la chance de pouvoir produire encore des films des films qui tentent des choses, on les aime, on les aime pas, mais qui tentent des choses, c'est grâce à ça. Je suis furieux aussi contre moi-même, puisque Villeneuve, j'ai pas eu le temps d'en parler, j'espérais pouvoir vous passer l'extrait, en parler de l'interview, enfin vous passer l'interview, etc., et j'ai même pas eu le temps, parce que ben voilà, c'est trop tard. Je pense que là, quand je parle de tirer le signal d'alarme, c'est quelque chose qui est très très inquiétant. Si on n'arrive pas, le cinéma français, et là je parle du cinéma des salles françaises, si on n'arrive pas à garder ce genre de film un tout petit peu en salle, d'avoir, heureusement qu'on a encore quelques salles d'arrêt d'essai, souvent énormément subventionnées, heureusement pas le CNC, encore lui, et le ministère de la Culture, ça va devenir très inquiétant. Villeneuve, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. On en parlera, j'espère, tout à l'heure un tout petit peu. J'en avais déjà parlé à ce micro même. Il y a des films qui tentent autre chose. Pareil, toujours la même chose. J'insiste à ce micro, on aime ou on n'aime pas, mais qui tentent autre chose, et notamment là, des longs-métrages qui tentent de parler de l'intime. On parlera, et je sais que la semaine dernière, dans son émission Fleuve, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, Francis Gavel, voilà, on parlait de J'ai perdu mon corps, film de Jérémy Clapin, qui sortira en novembre, qui parle de l'intime. Villeneuve était son parfait pendant. Encore plus fauché, on va dire, et battons-nous pour les films fauchés, battons-nous pour les gens qui se battent pour faire de la culture et de l'art aussi, et pas uniquement, encore une fois, donner de l'argent à Toy Story 4 et à toutes ces choses-là. Je n'ai pas vu Toy Story 4, c'est peut-être bien, peut-être que nos invités l'ont vu, et ben non, donc voilà, mais voilà, foncez voir des petits films comme ça. Oui, c'est embêtant, des fois c'est en première semaine, oui c'est le week-end, des fois c'est, mais si on fait pas vivre ces films-là, à quoi ça sert même d'avoir des émissions comme celle-ci. Allez, on va continuer donc dans cette programmation spéciale Hellfest, car oui, ça fait du bien d'écouter du métal, justement, ça permet d'évacuer plein de choses. Allez, on va écouter donc Envy, ce groupe japonais qui était absolument incroyable, une espèce de, entre mysticisme et le chanteur qui regardait toujours un peu partout, qui était complètement dans son monde, et une musique que vous allez entendre très forte, une espèce de mélange entre, allez, j'oserais pas dire parce que c'est pas non plus de la J-pop, mais en tout cas une espèce de pop japonaise, quelque chose d'assez léger comme ça, et quelque chose d'un petit peu plus lourd. Je suis en train de regarder parce que comme j'ai deux invités en fait, comme vous savez, elle est un petit peu improvisée. Allez, on va écouter la première, Blue Moonlight. Je vais dire ça en direct à Nicolas, et c'est selon les durées un peu plus courtes. Allez, Blue Moonlight, et on revient juste après ça pour parler d'Annecy. À tout de suite. We'll be right back. can't see, you can't hear. What's your name? De rêve. Donc l'émission 100% métal, non, j'aimerais bien, mais non, l'émission 100% cinéma d'animation, c'est déjà pas mal. Voilà, Envy, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Après, là, c'était vraiment mon coup de cœur du Hellfest, à voir absolument en live, c'est assez impressionnant. On peut peut-être commencer par parler du festival en lui-même. Twilight, c'était la première ou la deuxième? Ouais. C'est la première fois. En tant que presse. Alors? Alors, bah, c'était très bien, très fatigant. Ouais. Pour moi ça a été une très bonne première expérience. J'ai vu beaucoup de films, j'ai beaucoup écrit, on a beaucoup fait la fête. mais c'était très bien. Après, j'ai mon côté asiatique, on en reparlera. J'ai été un petit peu mitigée sur ce que j'ai vu, mais j'ai vu de très bons longs métrages en fait. Globalement. Ok, donc on va en parler de ça. Le Japon était à l'honneur en plus cette année. Nicolas, toi qui commences à devenir un vieux briscard, c'est quoi? Ça fait combien? Non, ce n'est que mon 8e, je crois, festival d'Annecy. Par rapport à toi, je pense que j'ai encore de la marge. Ouais, moi, j'ai commencé quand j'étais tout petit. Voilà. Non, c'était un bon creux. Je trouve que c'était vraiment une bonne édition. Évidemment, il y a toujours des choses moins bonnes que d'autres, mais il y a eu énormément de bonnes choses, je trouve, pour moi, de mon côté. Notamment au niveau des longs-métrages et même aussi des courts-métrages. Alors, moi, j'ai vu plus de courts-métrages et notamment dans la rétrospective japonaise et je l'ai trouvé plutôt intéressant, globalement. Donc non, c'était quand même un bon cru. Alors j'ai aussi fait pour la première, enfin c'est pas exactement la première fois, mais c'est la première fois que je le faisais de manière assez intensive, la VR, et je trouve que la sélection était plutôt pas mal, avec notamment deux films qui m'ont plus marqué que les autres, et notamment Gymnasia de Chris Lavis. Quelle surprise. C'est chouchou. Oui. Mais en même temps, c'est eux qui font le meilleur film, donc c'est normal que ce soit mes chouchous. Je suis d'accord, c'est un vrai traumatisme, voilà. Ce film en VR. C'est vrai. Ouais, voilà. Vraiment. Il secoue beaucoup. Mmh. Donc t'as vu les VR aussi? Ouais, j'ai fait un petit peu de VR en fait, quand j'arrivais à trouver du temps et quand on pouvait s'inscrire, c'était compliqué la VR cette année, puisque d'habitude les journalistes ont un créneau en fait avant l'ouverture pour pouvoir voir la VR, et là cette fois non, donc il fallait s'inscrire le matin, trouver un créneau, et du coup moi c'est celui-là qui m'a le plus secoué en fait. Alors pourquoi? Parce que les jurys eux l'ont pas pris comme meilleur film VR. Je m'y attendais un petit peu tellement c'est deux stars aussi, un réalisateur notamment de Madame Tutli Putli pour le plus connu. Qu'est-ce qui vous a plu, Elvire, dans moi, ce film? Moi c'est vraiment immersion. Ouais. On est au contraire du film qui a été primé, qui est super beau, je l'ai vu aussi, où on a plus une vue du dessus, en fait, on n'est pas dans le film. Là, Gymnasium, on est vraiment dedans. On a l'impression d'être à 3 cm des personnages, en fait. Et vu que l'ambiance est un petit peu glauque, et la musique un peu angoissante, je pense que si on le voit dans des conditions où il n'y a aucun bruit, où il n'y a vraiment personne, il y a vraiment moyen d'avoir très très peur. Alors moi ça m'étonne pas non plus que le jury n'ait pas récompensé ce film là parce que quand on voit il peut y avoir des surprises évidemment, mais quand on voit le jury qu'ils avaient pris pour la VR, ils ont récompensé finalement le film, je pense, qui leur ressemblait peut-être le plus et qui était un peu plus mainstream, avec la voix de Colin Farrell, etc. Donc voilà, celui de Gymnasium, de Chris Avi, donc Emma Tchektorbovsky, c'est quand même un film qui est à l'opposé de tout ça. Il y a deux pièces, deux décors, deux ambiances assez étranges. C'est un film qui est un peu plus fantomatique, la première partie notamment, où on voit simplement des ombres, etc. Et après, on suit, il y a quelque chose d'assez doux et d'assez poétique en même temps. Par exemple, à un moment, on suit une espèce de papillon qui, on arrive sur une autre scène, on voit le papillon qui arrive jusque sur nos genoux. Déjà, il y a une tête un petit peu de bébé qui arrive sur les genoux, qui est assez particulier. Et dès qu'on lève la tête, on a une espèce de marionnette avec un visage bleu qui nous fixe et qui est pas si effrayant. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, on n'est pas angoissé, mais il y a quelque chose à la fois naturel, doux et en même temps qui est assez surprenant et qui est un peu plus expérimental. On est vraiment dans un cauchemar, dans un rêve. Enfin, c'est pas totalement un cauchemar, mais c'est pas non plus totalement un rêve. En fait, on rêve, se demande c'est... si ça pourrait pas devenir un cauchemar. En fait, pendant toute la durée du film, on se dit qu'est-ce qui va arriver après et on s'attend à ce que le pire puisse arriver et le pire n'arrive pas, mais ça reste une tension qui est permanente. Et en plus, il y a la musique de Patrick Watson que je trouve, vraiment magnifique. Et donc voilà, donc non, pour moi donc, c'était à voir en tout cas, en espérant qu'il passe en VR quelque part. Et le deuxième, alors disais, le deuxième mot rapide, le deuxième, par contre j'ai oublié son titre, c'est le film pour ça a été une espèce de redécouverte d'une certaine façon. C'est le nouveau film de Virgil Widrich, qui était réalisateur d'un court métrage qui avait été vu, enfin deux courts métrages qui avaient été diffusés dans pas mal de festivals dans les années 2000, qui était Fast Film pour le premier. Pour le deuxième, et Copy Shop, je crois, Copy Shop pour le premier. Le film, pardon, s'appelle TX Reverse 360 degrés, donc c'est pour ça que je ne m'en souviens pas, c'est évident. Et donc ça faisait une bonne douzaine d'années qu'on n'avait pas vu, enfin que j'avais pas vu de film de Virgil Widrich. Donc là, il est co-réalisé par quelqu'un d'autre que je ne connais pas et dont je me souviens plus exactement du nom non plus. Alors Martin Reinhardt. Voilà, donc deux Autrichiens. Et en fait, le dispositif est très simple et là aussi, c'est assez perturbant et il y a un côté un peu angoissant, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu d'une salle de cinéma dans lequel un film est diffusé et on a l'impression que le film est vaguement flou. Et en fait, tous les spectateurs d'un coup se retournent sur nous et nous regardent. Et il y a une espèce de rayon qui part à 360 degrés et plus le rayon avance au niveau des spectateurs et plus les spectateurs deviennent eux aussi complètement flous. Et on arrive dans un monde qui est assez étrange, justement, complètement flou. Et après, le flou s'annule et on revient dans la salle comme avant. Et donc c'est une expérience assez surprenante où on est observé, mais plus qu'observé, vraiment fixé par au moins 200-300 personnes. On a beau se tourner, on se demande ce qui se passe et on voit l'univers complètement se désagréger tout autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment plus une expérience assez intense, avec un ressenti émotionnel assez fort, qu'une véritable... qu'un véritable film narratif, on va dire. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. Alors moi, je ne vais pas trop non plus prendre de temps. Juste, j'avoue, mais parce que peut-être qu'en effet, ça fait un bout de temps que maintenant je fais le festival d'Annecy. Ça commence, pour moi, qui aime bien les petites choses, à devenir vraiment beaucoup trop gros. Et ça devient un peu impressionnant, trop impressionnant. Donc c'est vrai que je passe plus de temps maintenant à parler avec des gens et à prendre des verres que d'aller au cinéma. C'est complètement fou. On a l'impression qu'Annecy bat des records chaque année de plus en plus de nombre de gens, de films, de ceci, de cela. Ça devient un petit peu fou et à la fois c'est bien, ça veut dire que l'animation se porte bien et ça veut dire que voilà, il y a du monde pour ça. Et à la fois c'est un petit peu étrange de plus en plus aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire en tout cas que pendant des années on disait qu'on était dans un petit monde de l'animation, c'est fini ce temps-là, on est dans des mondes de l'animation. Comme je le répète souvent, je vais plus du tout au MIFA, je vais donc le marché du film là-bas et je pense qu'il y a des gens du marché qui ne vont pas du tout au festival. Enfin aujourd'hui voilà, on est dans des choses très compartimentées et il y a plus même dans le milieu du journalisme d'ailleurs où en fait on a plus de journalistes économiques avec qui on discute et qui nous disent mais j'ai même pas le temps d'aller voir un seul film alors que j'aimerais mais j'ai pas le temps, et nous qui sommes plus par contre à voir des films tout le temps et à aller assez peu au MIFA. Je suis allée une fois au MIFA pour la soirée japonaise. C'est tout. J'ai pas mis les pieds et ce que j'ai remarqué c'est que chaque journaliste a un emploi du temps qui n'a rien à voir avec ses collègues. Enfin, on n'a pas du tout vu les mêmes films. Il y a 10 façons différentes de passer le festival, en fait. C'est ça qui en fait aussi un festival très riche. Mais personne n'a le même programme. Et c'est ça, donc ça a changé. C'est pas mal aussi pour certaines choses et puis d'autres. La rétrospective japonaise, je suis peut-être le seul à avoir vu celle de 99 ici, sûrement. Donc voilà, donc on va pas revenir trop longtemps. Peut-être un peu une petite déception, moi, de ma part. Et là, je parlerai pas des films en général. Peut-être pas suffisamment de films qui ont été recherchés, même s'il y avait une très belle séance que je vais... que je vais pas retrouver évidemment, mais qui était cette séance avec plutôt des anciens films, on va dire. Ça y est, et donc j'oublie juste un moment ce superbe réalisateur de court métrage qui est un peu le pendant de Kiyachiro Kawamoto, qu'on connaît très très bien, enfin très bien, plutôt pas mal dans l'animation ici. Et donc c'est... non, c'est pas au Fuji, c'est... ça y est, c'est pas grave, je vais trouver ça. La présence, donc c'est Tadanari Okamoto, donc qui va faire pas mal de marionnettes, notamment, qui est un grand monsieur. C'était bien, le fait de revenir un petit peu sur ce qu'a fait Koji Yamamura après Le Mon Chef, même s'il manquait, à mon avis, quelques très très belles choses. Koji Yamamura s'étant lancé dans d'autres choses, et puis peut-être redécouvrir, après c'est toujours ça un peu le problème, qu'on a eu la chance de les découvrir au fur et à mesure, mais je suis persuadé que des gens ont peut-être découvert Atsushi Wada, par exemple, ou Le Serpent Blanc, ou pas mal de choses. Est-ce que vous retenez-vous quelques petites choses dans ce que vous avez vu dans cette rétrospective? Est-ce que vous avez vu des choses? Et il y a des shows, il y a une séance, je ne sais pas, qui vous a plus marqué que d'autres, Elvire? Alors, j'ai très peu assisté aux séances de la rétrospective, malheureusement, puisque je crois qu'elle se déroulait tous les jours à 10h, à peu près. Il y avait forcément un long métrage asiatique au même moment, donc il a fallu faire des choix. Mais j'ai quand même réussi à aller voir Le Serpent Blanc, donc le long métrage japonais réalisé en 1958, premier long métrage d'animation. Que j'avais pas réussi à voir avant Annecy. Et finalement, je suis très heureuse de ne pas avoir réussi à le voir, pour pouvoir le découvrir dans une belle salle de cinéma. Et j'ai trouvé le film fantastique, en fait, qui a allié à la fois les côtés de Disney qu'on aimait tous quand on était enfant, en fait, avec ces animaux très ressemblant aux humains, et en même temps avec une vraie patte japonaise, en fait, orientale, qui rend ce film très très beau et de meilleure qualité technique que ce que je pensais, puisqu'ils nous l'ont présenté, monsieur Kotabe nous l'a présenté en disant techniquement c'est quand même pas bon du tout, et en fait si, pour un film de 1958, alors oui, le Japon était peut-être en retard par rapport à ses concurrents, mais pour un premier film d'animation, c'est magnifique. Grand animateur, hein, japonais, M. Kodabe, qui était là un peu en invité, enfin pas un peu, complètement invité d'honneur. Toi, Nicolas, donc Le Serpent Blanc, que vous pouvez retrouver, hein, il existe en DVD et qui est un film évidemment très très important. Alors moi, je n'ai pas non plus eu beaucoup le temps de faire la rétrospective japonaise, malheureusement, il y avait énormément de programmes et c'était assez compliqué justement de pouvoir on sélectionnait pas mal. Alors j'ai quand même réussi à revoir notamment dans une séance spéciale Scritta Volante de Ryo Horikasa, qui est toujours aussi beau, et les films de Ryo Horikasa sont toujours aussi impressionnants à voir, et surtout sur grand écran, ils méritent véritablement d'être vus sur grand écran pour voir tout le jeu sur justement les lettres, l'écrit, les graphismes, les moments où tout s'efface et tout se reconstitue. On est vraiment dans un exercice d'animation qui est assez impressionnant, et de manière un peu moins expérimentale cette fois-ci. Un film dont j'avais déjà entendu parler et que j'ai pu voir lors de la rétrospective, et qui est un film récent là aussi. Donc les rétrospectives sont là aussi pour montrer les nouveautés japonaises. C'est un film de 28 minutes qui s'appelle Pigtails, d'un réalisateur dont j'ai là aussi du mal à me souvenir du nom, mais qui n'a jamais fait de long métrage pour le moment. Qui est produit par... Vas-y, j'avais retrouvé. C'est dans les rétrospectives. C'est non, c'était ici. Alors ça non, puisque c'est le texte qui explique. Bon. Bah, vas-y, continue. Voilà. Et donc Pigtails, qui est un film, on va dire, plus ou moins post-Fukushima, qui date de 2015, et qui est un film assez... très doux, très surprenant, où en fait on arrive, on a un monde qui est complètement vide, quasiment une espèce de grande étendue déserte, avec deux couleurs, simplement une espèce de fond qui est assez grisonnant et le reste qui est un petit peu plus marron, et une petite maison au milieu dans laquelle vit une femme, avec la particularité qu'elle ne parle pas et aucun des personnages humains dans le film ne parle, mais par contre tous les objets vont parler, vont se battre, vont discuter, et on a une inversion comme ça qui est assez intéressante. Au début, ça fait plutôt rire, on se demande ce qui se passe, c'est plutôt joyeux, plutôt original, et plus on avance et plus ça devient sordide, avec un dessin qui reste toujours assez doux et qui va vraiment vers quelque chose de dur et d'assez effroyable. Et je pense qu'on retrouve un côté justement qu'on voyait notamment dans ce film film anglais sur la bombe When the Wind Blows. When the Wind Blows, justement, réalisé d'ailleurs par un autre réalisateur d'origine japonaise, si je ne m'en trompe pas. Ouais. On retrouve ce côté justement très doux avec un sujet extrêmement fort et extrêmement violent. Donc là, ça dure 25 minutes et c'est quand même magnifique. Et je ne sais pas du tout si ça sortira quelque part. A priori, peu de chance. Je ne sais plus si c'est le studio K de Grécy ou le studio Aegis. C'est déjà un film qui date de 2015. Donc voilà, a priori, c'est quelque chose qui maintenant est dans les cartons. Pas mal de choses en tout cas. Ce qui n'était pas évident en effet par rapport aux horaires, par rapport à tout ça, qui n'était pas évident forcément à suivre. Mais en tout cas, toujours intéressant évidemment de voir ce qu'a. De faire un petit retour en arrière, on va dire, sur ce qu'était l'animation japonaise depuis ces 20 dernières années. On peut parler très rapidement, si vous avez envie, en tout cas, des séances événements. Moi, l'une des déceptions, peut-être, et je sais pas, Alistair, tu l'as vu, et le film, donc, produit par Ponoc, qui est un omnibus hein, avec trois courts-métrages, Modest Heroes. Ponoc, c'est des anciens de Ghibli qui on peut leur reprocher des fois de faire trop du Ghibli. Alors, vaut mieux faire trop du Ghibli, hein, Ghibli, Miyazaki, Takahata, ce que vous pouvez connaître. Vaut mieux faire ça que, je sais pas, trop de... J'arrive pas à trouver un mauvais studio, non pas que j'en connaisse pas, mais voilà. Mais là, très très décevant, il y a un court-métrage que je trouve pas inintéressant, qui est celui d'Akihiko Yamashita, Invisible, hein, qui reprend un petit peu cette idée de... Ben voilà, de l'homme invisible et tente de le remettre un peu au goût du jour en disant qu'est-ce que c'est que d'être invisible un peu dans nos sociétés. Toi, t'en as pensé quoi de Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je n'ai pas été particulièrement déçue puisqu'en fait, j'en attendais rien. parce que le studio Ponoc, pour l'instant, pour moi, n'a pas réussi à faire ses preuves. Mais sur les trois segments, Invisible était effectivement celui qui, en tout cas, la trame dramatique était la plus présente. Puisque les deux autres segments, objectivement, on n'en a rien à faire. Et il y a quand même un segment qui est basé sur... dont le climax va être un enfant qui va manger un aliment auquel il est allergique. C'est... Bref, donc pas très bon. Ne passons pas trop de temps dessus. Le film sortira sûrement en salle, mais voilà, c'est le genre de choses qui sortent en salle. Oui. Après, on va peut-être passer très rapidement. Alors tout ce qui est pas japonais, si jamais vous le dire, on passera peut-être sur Playmobil. J'ai failli dire Playboy. Mais oui, c'est ce que j'ai entendu. Le film entre Playboy et Playmobil, c'est un petit peu différent. Je suis désolé. DreamWorks, on s'en fout, Maroon, Trolls World. Je crois que tu es le seul à avoir vu, en tout cas là autour de cette table, Le Voyage du Prince, qui est la suite du Château des Singes d'un de nos plus grands réalisateurs, Jean-François Laguiani. Qu'est-ce que tu penses de cette suite? C'est pas vraiment une suite directe. Le terme suite, je crois d'ailleurs que Jean-François Laguiani lui-même ne parle pas vraiment de suite directement. Disons qu'on reprend un personnage qui part après une espèce d'énorme bataille et qui atterrit dans un autre monde où en fait les gens pensent, n'imaginent pas qu'il puisse y avoir d'autres singes ailleurs existants dans d'autres mondes. Je pense que c'est quand même une jolie réussite. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, j'en attendais pas forcément beaucoup. J'attends davantage Slocum, donc le prochain projet à venir de Jean-François Laguiani, en espérant qu'il se fasse, qui est un projet qui lui est beaucoup plus personnel, un petit peu comme Louise en hiver, sauf que là, ça va davantage parler de son père et de son rapport vraiment aussi à la mer, au bateau. Tandis que Le Voyage du Prince, on retrouve quand même ses thématiques notamment de la mer, du fait de passer d'un continent à l'autre, qu'on pouvait retrouver dans énormément de ses films. Mais Le Voyage du Prince est quand même plutôt réussi. Je pense que le co-réalisateur Xavier Picard y est quand même pour beaucoup qui avait fait un beau Moumine. Voilà. Alors moi je connaissais pas Moumine, mais Moumine sur la Riviera qui était plutôt correct, réussi. D'ailleurs apparemment même les Finlandais qui sont vraiment les garants de l'héritage des Moumines trouvent que son adaptation est l'une des plus réussies et les plus fidèles possibles, donc je pense que c'est pas rien non plus. Son Moumine était bien et là je trouve qu'il a plutôt bien réussi aussi. Le scénario tient parfaitement la route, d'un point de vue visuel ça fonctionne bien, c'est pas le film, ça va pas révolutionner on va dire l'animation, mais c'est un très joli film qui tient très bien la route, avec un côté un peu vieux con parfois aussi, mais qui fonctionne plutôt bien, qui est assez amusant et qui passe bien. Est-ce que tu sais quand le film sort? Il sort en décembre si je ne m'abuse. D'accord, donc pour les fêtes de Noël, voilà. Sortir ça, et je pense que c'est un bon film pour les fêtes de Noël. Et pour vous dire, je viens de voir là dans un comité de sélection la nouvelle série Moumine. Gremlins en 3D qui est juste une catastrophe totale, mais totale. C'est vraiment les voix sont horribles, en plus en anglais. Enfin bon, évidemment coproduction internationale, mais c'est une catastrophe totale. Voilà, le truc est même pas sélectionné alors qu'en en Norvège où c'était. Enfin voilà, donc pour vous dire que c'est compliqué hein, de reprendre des choses comme ça qui sont ancrées culturellement depuis des années dans culturellement depuis des années, de réussir à en faire quelque chose. On va passer, hein, je pense pas que certains d'entre vous aient vu Spaces, vous avez quand même pas trop de temps à perdre non plus, Toy Story 4, Frozen 2, enfin tout ça, hein, voilà, on va passer un petit peu de tout ce genre de choses, et on va peut-être arriver, alors on n'est pas obligé d'en parler, c'est à toi de voir, parce qu'il nous reste une quarantaine de minutes, on va faire, donc j'aimerais que tu parles vraiment des choses qui sont importantes, qui vont sortir pour toi. Est-ce que tu as envie de parler de ce Human Lost ? Non, parce que c'est très mauvais. C'est très mauvais ? C'est très mauvais, c'est du mauvais cyberpunk. D'accord. Et c'est incompréhensible. Voilà. À noter d'ailleurs qu'en parlant de cyberpunk, ça y est, Katsuhiro Otomo vient d'annoncer hein, qu'il allait tourner son troisième long métrage, donc Otomo c'est Akira, et qu'on parlait de mauvais, c'est pas que ce soit mauvais, mais Steam Boy était un peu loupé. Hein, un petit peu, oui. Mais là, à côté, niveau. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, bon. Donc, n'allez évidemment pas voir ce film. Il ne sortira jamais. Il sortira jamais. OK. Donc, c'est une séance événement parce qu'il ne sortira jamais. C'était, au moins, c'est plutôt bien. On va passer plus de temps. J'aimerais juste, avant qu'on fasse une nouvelle petite coupure très rapide musicale, on va peut-être parler juste d'un film. Je crois que vous êtes deux à l'avoir vu, non ? À l'avoir vu, il revenait après avoir obtenu le Grand Prix avec son Loup, que j'avais trouvé moi personnellement assez moyen. Je suis un grand fan de USA, de Mind Game, de sa série télé, de le long métrage que je ne comprends toujours pas que ça soit. Ils aient inversé ainsi la compétition. Ils auraient dû prendre évidemment. Ça y est, j'ai oublié. Native Short, Walking Girl. Voilà, ouais. Tout à fait, qui était absolument incroyable. Ils avaient pris le Loup qui était mignonnet, mais sans plus. On parle bien sûr de USA Masaaki. Qu'est-ce que vaut son nouveau film qui sort, je pense, sortira lui aussi en France. Je pense qu'il sortira. Pour mais l'instant, pas de date de sortie, pas de distributeur. Il n'y a pas de distributeur officiellement annoncé. D'accord. Mais il sortira. Ride Your Wave. Alors, il y a une fan de. De USA, je suis très très fan de USA, effectivement plus période Mind Game que période Loup, même si j'avais beaucoup aimé Loup parce que je trouvais qu'il y avait quand même encore ce côté déjanté en fait qui est important pour moi dans ces films. Radio Wave en fait c'était mon premier film d'Annecy et je suis sortie très en colère parce que j'ai eu l'impression de pas du tout l'avoir aimé en fait ce film sur le moment. Parce que je l'ai trouvé, tous les défauts que j'avais trouvés dans Lou, je les ai retrouvés dans Ride Your Wave. Donc un côté un peu, très mielleux, un peu larmoyant. Et puis finalement, le film a eu le temps de décanter dans mon cerveau pendant la semaine, pendant les semaines qui ont suivi. Et finalement, je me rends compte que c'est quand même un très bon film. Je maintiens le petit côté mielleux qui m'agace, notamment à l'aide d'une chanson qui revient 15 fois, voire 20 fois dans le film. Mais ça reste un très beau film qui s'adresse vraiment aux adultes, pour le coup, sur l'amour, sur le deuil, avec des thèmes très durs, mais que tout le monde... des thèmes qui arrivent dans la vie de tout le monde, en fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même encore ce côté foufou qui arrive par moment, et les 20 dernières minutes sont démentes. Là, pour le coup... J'étais sortie de la salle quand même en me disant c'est complètement fou ce qui vient de se passer à la fin. Au moins cette fin était extraordinaire. Nicolas, beaucoup aussi Ride Your Wave. J'ai été assez surpris parce que c'est vrai qu'à Annecy j'avais entendu pas mal de critiques assez négatives du film et donc j'y allais un peu à reculons. Surtout les miennes. Oui, les tiennes, mais pas que les tiennes d'ailleurs. Il y avait pas mal d'autres personnes qui on sait que samedi dernier, lors de l'émission, Marie-Pauline Mollaret, qui est déjà venue, en a parlé en mal, tu me disais. Ouais. C'est ça. Mais j'ai été surpris, par contre, très agréablement surpris. J'en attendais peut-être absolument plus rien, justement. Donc j'ai été très agréablement surpris. Et je pense justement que, vu le thème abordé, par exemple, le côté complètement déjanté qu'on retrouvait notamment déjà encore un peu dans Loup que moi j'aime pas trop et surtout dans Nighty Short que j'aime à la folie, c'est normal en fait qu'il soit pas là aussi présent, c'est-à-dire qu'on peut pas traiter un thème comme le deuil ou la perte d'un amour ou des choses comme ça de manière aussi Mais si, je suis sûre que USA il peut le faire, j'en suis persuadée. Mais justement il le garde un petit peu, il le garde un peu, il l'appuie pas non plus trop, il l'appuie pas autant qu'avant et je trouve que c'est justement assez logique et assez normal. Et par contre on trouve quand même pas mal d'autres choses qui sont présentes, qui étaient déjà pas mal présentes chez USA et notamment moi je trouvais dans son animation, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant ici, c'est par exemple qu'on est quand même dans un univers qui est très marin. et qu'on retrouvait dans Lou, qu'on retrouvait un petit peu ailleurs. Il y a quelque chose d'aqueux dans son animation qui fonctionne parfaitement et qu'on retrouve ici. On est quand même aux prises avec une surfeuse et un pompier, donc deux personnes qui touchent l'eau directement. Et il y a pas mal de thématiques comme ça qui réabordent et d'autres petites choses. Alors évidemment, c'est des choses un petit peu secondaires qu'on retrouve surtout si on connaît déjà un petit peu son cinéma, mais qui frappent, qui sont là et qui sont là de manière très très intéressante et qui arrivent justement un petit peu à me happer et moi vraiment à me subjuguer tout à travers le film. Après, au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'il y a un côté un peu mielleux. Et il y a quelques séquences que j'ai trouvées assez inutiles aussi, notamment le côté première rencontre dans l'enfance, etc. Les 20 premières minutes sont très difficiles et je voyais un peu tous les spectateurs se dire mais qu'est-ce qui se passe, il est en train de nous faire quoi, 20 minutes en fait d'histoire d'amour, d'idylle amoureuse insupportable, et après le drame arrive. Donc voilà. Mais tandis que pour moi les 20 premières minutes ça passait quand même à peu près, parce que je me suis dit il met en place certains éléments, et voilà, c'est vrai qu'il y a la chanson qui est un petit peu horripilante, mais même que la tu chanson as d'ailleurs dans la tête, j'en suis sûre à l'heure actuelle, j'ai plus dans la tête, mais ça reviendra. Mais la chanson en fait après revient, mais elle revient de manière assez comique et il arrive à tourner justement les choses de manière comique, et justement tout ce côté un peu trop premier degré et assez appuyé qu'on a quand même dans les 20 premières minutes, il arrive à ne pas leur donner un côté trop de tire-larme. C'est-à-dire qu'en général, il y a toujours un moment où, quand il va vers le drame, quand il va vers le côté beaucoup trop tragique ou larmoyant, il met un stop avec quelque chose justement d'un petit peu plus fou, d'un petit peu plus déjanté. Pas complètement fou et complètement déjanté non plus, mais qui suffit justement pour donner un côté un petit peu plus comique, pour alléger un petit peu les choses. Et je trouve que finalement il arrive à faire ça tout au long du film, et ça tient bien sur la route et ça tient bien sur la distance. Alors évidemment il ne faut pas s'attendre à revoir Mind Game ou Nighty Short Welcome Girl, ça c'est clair, mais par contre je pense que le traitement qu'il fait, notamment comme on dit du deuil etc, est assez intéressant et assez important. Est-ce que tu ne penses pas quand même, Elliot, toi qui aimes bien, que ça on fait un peu trop en ce moment, c'est à force de faire des séries, des longs, il enchaîne, il arrête pas. Là, oui. Ouais, et à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir se poser pour faire de nouveau un grand, j'en sais rien, mais en tout cas un film qui vaille vraiment la peine. Je pense, oui. Après, moi, j'attends toujours de voir, parce que là, il travaille à la fois sur une série, et s'il n'est pas venu à Annecy, c'est justement s'il travaillait encore sur un autre projet. Je trouve quand même que c'est l'un des rares réalisateurs à pouvoir travailler aussi souvent et quand même d'aussi bonne qualité. Parce que, ok, on a tous été déçus par certains de ses films, mais pour quelqu'un qui travaille autant, moi j'en veux bien tout le temps des comme ça en fait. Mais oui, ce serait bien peut-être qu'il se pose un petit peu. Après, je pense qu'avec Lou et Radio Wave, une fois de plus, il veut vraiment toucher le public mainstream aussi. Ouais, en il fait. Essaye d'avoir un peu les deux. Et pour Radio Wave, je pense qu'il peut y arriver sans problème. Alors on va faire. Oui, j'ai Nicolas, vraiment c'est vrai que c'est aussi, oui, un film pour moi qui est très japonais, dans le sens où c'est encore un film sur des fantômes et sur la nourriture. Tout le temps. Et c'est justement aussi une de ses grandes qualités. On revient, on va parler de. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avec Elvan, on va parler des déceptions, visiblement, pour beaucoup du Keishihara, la surprise des enfants de la mer. Enfin voilà, encore pas mal de choses à parler. L'un des grands, grands concerts, on l'attendait tous. On va replonger un petit peu, pour certains d'entre vous, peut-être quand vous étiez plus jeunes. C'est un groupe qu'on a beaucoup, beaucoup écouté, que j'ai pu écouter moi pendant un bout de temps, et puis là je suis retombé dessus il n'y a pas si longtemps que ça. L'un des grands concerts du Hellfest, c'était Tool, qui passait le dimanche soir de 1h30 à 2h du matin. On s'est dit c'est pas possible, et ben c'était complet, c'était en plein air, de toute façon c'était complet, mais c'était absolument hallucinant. Le concert était assez incroyable. Je déteste de plus en plus les concerts où on projette des films parce que ça n'a aucun intérêt. Là c'était très fort, enfin voilà, donc une très très belle réussite. On va écouter Hush, parce qu'il est un peu plus court, voilà, un petit peu plus calme. Hush de Tool, et on revient juste après pour Bulle de rêve spécial Annecy. À tout de suite. I can't say what I want. voilà, Tool continue toujours. Donc c'était Hush de Tool. Bon, évidemment là, c'était plus une découverte, c'était un plaisir de les voir encore une fois sur scène. Long métrage, on va juste faire un petit tour, on va revenir sur la compétition, mais on va parler de deux films qui étaient en programme spéciaux japonais. À moins évidemment toujours la même chose, que vous ayez envie de parler d'autres films, surtout n'hésitez pas. On va parler de Promare. Donc qui s'écrit Promare, Promare, mais là qui se prononce Promare. Tout à fait. Donc qui sort le 30 juillet. Donc on essaye de vous parler aussi de films évidemment qui sortent un peu, que ça soit pas que des films où vous dites ah bah c'est bien gentil, mais ils ont vu leur film dans leur festival, dans leur coin, mais on les verra jamais. Alors est-ce qu'il faut aller voir ce film dont tu nous dis qu'il était en programme spéciaux dans les spéciaux qu'ils appellent les Midnight Special, donc les trucs un peu barrés. Un peu barrés, oui. Oui, il faut aller le voir le 31 juillet en salle. Donc Promare, c'est le nouveau film de Dimashi Hiroyuki et Nakashima Kazuki qui avaient travaillé auparavant ensemble sur Gurren Lagann et Kill la Kill. Deux séries. Deux séries complètement déjantées, en fait, avec des mechas et des explosions dans tous les sens. Ils reprennent exactement le même concept pour Promare. Je vais pas résumer ici le scénario parce que ça commence dans une ville, ça se termine dans le système solaire. Donc ça veut tout dire en fait. Mais concrètement, c'est quasiment deux heures de pure folie où on en a plein les rétines en fait. Enfin, l'animation est vraiment particulière puisque ce sont des nappes de couleurs un peu. Des couleurs un peu bubblegum en fait, rose pâle, vert pâle en fait, et des nappes de couleurs partout sur l'écran toutes les secondes en fait. Donc ça envahit tout l'écran. Ça explose partout, tout le temps, ça hurle tout le temps. Les personnages sont parfois tellement grands qu'ils dépassent les immeubles. En fait, il n'y a plus aucun respect de proportion. C'est fini. Et du coup, pendant 1h50, alors je déconseille aux épileptiques, malheureusement, parce que franchement, il y a vraiment moyen de tomber malade. Mais c'est vraiment un grand, grand, grand spectacle. Je suis pas sûre que ce soit le genre de film que je verrai toutes les semaines, parce que moi je connais pas l'univers de Kill la Kill et Gurren Lagann, donc je l'ai découvert avec plein de fans. Mais c'est extraordinaire et je peux que conseiller aux gens d'y aller, parce qu'on en a très très rarement des films d'animation comme ça, vraiment. Et moi j'aimerais parler, j'étais un peu trop pardon, excusez-moi, j'aimerais juste parler un tout petit peu. Elvire a tenté de nous dire que de lire le résumé de Promare, mais elle n'arrive pas à lire le résumé. Avant de parler des longs métrages et des longs métrages importants de cette édition d'Annecy, on commencera avec peut-être voilà celui qui a obtenu plein de prix. On va en parler. J'aimerais juste vous parler d'un loupage total, mais qui était avec plein de bonne volonté, un film qui s'appelle Araignée, signe Vermillion, qui est un film. Alors moi j'ai eu la chance d'interviewer les réalisateurs et le producteur, et qui est un vrai film de producteur, et le réalisateur, le pauvre, ne sait pas du tout ce qu'il a fait. C'était très mignon parce que c'est un film d'horreur. Moi j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. C'est un film qui va vers le giallo, Dario Argento, qui tente des choses, qui va vers plein de trucs possibles, inimaginables. Le problème, c'est que donc c'est un créateur d'effets spéciaux qui l'a fait, notamment Ghost in the Shell 2, à y travailler. Et c'est drôle parce que, alors je sais pas toi si tu l'as vu. Non, parce que c'était en même temps qu'Human Lost. D'accord. Et alors c'est très drôle parce que moi j'ai vu, et donc j'ai fait l'interview, il y avait le réalisateur et le producteur, c'était à Zagreb, c'était pas à Annecy. Et c'était très drôle parce qu'à chaque fois que je posais une question, le réalisateur était complètement paumé. Et le producteur était là, fait oui, tout à fait, c'est ce que je veux faire, etc. Et c'est ça. Donc on a un vrai problème là d'un producteur et d'un réalisateur qui veulent pas faire le même film. C'est absolument terrible. Et on est dans un grand problème. Et pareil, ils ont pas réussi à me dire pourquoi. Toujours cette propension. Alors, tout le monde, alors des films japonais, à vouloir tuer absolument des jeunes femmes. C'est un truc qui est absolument hallucinant. C'est possible en petite jupe, enfin, etc. Et j'ai posé la question quand même à la fin parce que c'est absolument hallucinant. Et ils n'arrivent pas à répondre, soi-disant, parce que les femmes sont jeunes. Enfin, un truc toujours un peu borderline, ça marche pas du tout. Donc, malheureusement, un film complètement loupé qui passe un peu partout parce que je pense que les gens, voilà, il y a une espèce de truc complètement fou dans ces espèces de monstres qui avalent tout. Enfin, bon, mais complètement loupé. Malheureusement. Alors. Le film qui a déchaîné les passions des séances ont même été rajoutées, hein, une séance a été rajoutée le samedi, le film obtient le Grand Prix et le prix du public. Il avait obtenu le prix à Cannes, exceptionnel de la semaine de la critique, c'était la première fois. J'espère Si jamais le réalisateur nous écoute, j'espère qu'il viendra évidemment nous en parler ici même. Le film sort en novembre et donc il est invité évidemment en septembre, en octobre. Voilà, donc s'il me répond, en tout cas ce sera avec grand plaisir évidemment qu'on le recevra dans ce studio-là. C'est bien sûr « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui n'a pas aimé? Ça pourrait être pas mal de commencer. Est-ce que quelqu'un dans ce pays n'a pas aimé? Voilà, c'est ça. C'est le film qui a tellement fait, non? Tout le monde a aimé. Allez, Nicolas, commence. Ah oui, non, donc, Jérémy Clapin, réalisateur notamment de Skizen, Panipedarium. C'est ça. Non, c'était juste un excellent film et vraiment une très belle surprise. J'avais découvert le projet en 2013, la première fois que je suis allé au Cartoon Movie et où il l'avait présenté pour la première fois, justement. Déjà, le projet donnait bien envie. L'idée de cette main, justement, complètement détachée du corps, qui essaye d'aller le retrouver, était déjà assez intéressante. On avait déjà vu un petit teaser d'une minute qui était assez, vraiment, vraiment beau aussi. On avait vraiment envie de voir la chose. Après, j'en avais plus entendu parler pendant 3 ans, plus ou moins, voire un petit peu plus. Et je pensais vraiment que j'avais peur que le projet était abandonné. Et quand on a réentendu parler du film, ça a été quand même vraiment assez intéressant. D'autant plus qu'apparemment, il avait expliqué qu'il s'était juste depuis détaché du roman. Enfin, détaché pas totalement du roman d'ailleurs. Hein. Mais il avait réussi à prendre un petit peu un autre point de vue que celui adopté par le roman pour essayer d'entremêler le point de vue justement du héros plus jeune avec la main, etc. Et je trouve que scénaristiquement déjà le film tient parfaitement la route. Il est extrêmement inventif, très très très bien fait. Je trouve que le rapport justement à la main et à l'animalité est vraiment très très passionnant aussi dans le film. On a une différence de point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette main qui arrive à se déplacer sans yeux alors qu'elle arrive à voir, qui arrive à avoir conscience du monde autour d'elle alors qu'en fait c'est juste, bizarrement, une main, et qui rencontre justement, il y a justement un rapport avec au regard et qui est vraiment passionnant dans tout le film. Et je trouve que s'il y a bien une chose qui est extrêmement réussi dans le film, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va voir des rats, des pigeons, des animaux, qui eux aussi, c'est-à-dire que ces animaux-là sont toujours, on se demande toujours justement comment est-ce qu'ils perçoivent le monde, comment est-ce que des êtres justement qui ne sont pas humains peuvent percevoir le monde. Et on a justement ce rapport-là qui est toujours là. Il va rencontrer un personnage humain et on va dire, mais il va pouvoir la voir qu'en fait cette main est détachée, mais en fait ce personnage est aveugle. Et la manière dont aussi, donc, on a donc en retour vers le passé, la rencontre amoureuse qui se fait entre les deux, c'est à travers un interphone, c'est-à-dire que elle et lui... N'en dis pas trop pas non plus, hein. Là, je suis en train de... Parce que je l'ai vu aussi, donc je suis là, je t'écoute, et je me dis, mais pardon, on mettra un warning, en fait. Est désolé, pardon. Et moi, je t'écoute en plus bêtement, et je te laisse tout dire. Dis-nous pourquoi le film est bon, voilà, et ne raconte pas le film. Voilà, excusez-nous. En fait, ce film est particulièrement réussi d'un point de vue, notamment en termes de mise en scène par rapport à toutes ces questions-là, des questions qu'il pose, des questions qui sont vraiment centrales, qui sont au cœur du film, et dont il arrive à s'emparer. Et je pense que vraiment, si le film n'avait pas été animé, il n'aurait jamais réussi à s'en emparer de cette manière-là. Et je pense que vraiment toute la force d'animation, toute la force du travail de Jérémy Clapin, c'est vraiment d'avoir réussi à comprendre vraiment les enjeux que pouvait poser un tel personnage d'un point de vue cinématographique et purement cinématographique, et à avoir réussi à mettre ça en scène. Il va falloir que tu passes après ça. Je ne peux pas passer après ça, il a tout dit. Ilan Nguyen, grand spécialiste du cinéma japonais, qui est venu aussi ici comparer, alors c'est son premier, je pense qu'il y a encore un peu de travail, mais en tout cas il est sur ces bases-là, le film de Jérémy Clapin au cinéma de Kon Satoshi. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait Oui, il faudra que j'y réfléchisse un peu plus, mais oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, ouais. Mais effectivement, il y a un lien. Mais là, comme ça, en improvisation, j'aurais du mal à faire le lien. Mais c'est un film, oui, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et je rebondis sur ce que disait Nicolas. En fait, cette main est un personnage vraiment à part pour laquelle on ressent une empathie totale, alors que c'est une main détachée. Et pour laquelle on va avoir peur quand elle va rencontrer des rats. En fait, on va avoir des vraies scènes de frayeur. Ce qui est pour moi sans l'animation, il n'aurait pas pu réussir à créer ça. Et c'est un véritable exploit, en fait, d'emmener son spectateur vraiment où il veut, sans aucune difficulté. On a l'impression, en tout cas, qu'il n'y a aucune difficulté à emmener le spectateur où il veut. Et Et toi, je me demande justement, en tant que, comme tu disais, par rapport à Kon Satoshi, mais aussi par rapport au cinéma d'animation japonais en général. Moi, je me rappelle que j'ai un ami qui est aussi journaliste et qui vient du Japon, qui me disait justement, mais c'est étrange parce que quand j'ai découvert le film, moi, m'a fait penser à plein de choses, mais à plein de dessins animés japonais, à plein d'animés japonais. Que ça soit série télé, long métrage ou autre, mais par contre je suis curieux de savoir vous à quoi ça vous fait penser en tant que spectateur européen. Et moi je lui dis, c'est vrai que j'ai pas grandi avec l'animation, enfin j'ai un peu grandi avec l'animation japonaise comme tout le monde, mais je suis pas un grand spécialiste de l'animation japonaise. Pour moi, clairement, quand je vois une main qui se promène, je pense à la famille Adams. Et lui, il me disait qu'il y avait même pas pensé alors qu'il le connaissait, et pour lui ça lui rappelait justement d'autres films d'animation. Donc je pense que c'est on va dire qu'il peut y avoir des résonances vraiment internationales, et c'est vrai que peut-être qu'en tant que spécialiste du cinéma d'animation ou du cinéma japonais ou asiatique, justement, peut-être que ça peut te faire penser à d'autres choses. Et ben moi, j'ai d'abord pensé à la famille Adams, voilà. Donc j'ai pas pensé en fait à des références japonaises. Après, oui, effectivement, les films japonais ont tendance aussi à pouvoir mettre en scène en fait des objets, des bouts de corps en fait, et de les individualiser sans que ça paraisse être de la science-fiction dans le film, avec un vrai naturel en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils peuvent se retrouver, mais j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête. On fera de toute façon, on fera une émission, j'espère que Jérémy Clapin sera là bien évidemment dans le studio avec nous, on fera une émission spéciale, je pense que sans vouloir absolument d'ailleurs c'est rigolo parce que la première émission de Bulle de Rêve, comme moi, que j'ai faite ici, hein, donc c'était il y a un bout de temps maintenant, c'était 13 ans, 14, 15, enfin bon, un truc comme ça, c'était il y a longtemps, oui, le temps passe vite et tout, et bah, Jérémy était dans ici même, il venait d'avoir une mention pour, je crois, Skizen, ou voilà, qui était pour Aosh. Donc à Aosh, et il était là, il était présent, donc je serais ravi de l'avoir si maintenant qu'il est loin, maintenant qu'il va aller aux Oscars un peu partout, etc. et tout, donc voilà. Mais c'est un film, je pense, que Jérémy Clapin, et là il nous prouve. Je pense qu'on le savait, moi je me rappelle d'une image que j'avais vue dans Skizen qui m'avait marqué. C'est à un moment donné, vous avez un plan et le personnage range son aspirateur, et c'est un plan, je me rappelle, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, il y a un réalisateur derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cadrage qui est normal, on a un cadrage qui est vraiment fait pour raconter quelque chose. Et je pense que c'est un grand film de cinéma, point. Il y a des petites choses, on en parlera, qui peut-être un peu moins, ou en tout cas voilà, et je trouve ça important d'ailleurs. Je pense que c'est ce qui fait la force du film, c'est qu'on est sur un truc émotionnel comme ça, on passe d'un moment à l'autre, donc il y a forcément des moments qui peuvent être plus forts pour nous que d'autres, mais il y a des moments donnés, cette scène sublime, évidemment, du début dans un hall d'immeuble comme ça, absolument incroyable, qui résonne avec une scène de fin, justement, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, des voix qui sont très très bien trouvées, là où d'habitude on est sur des stars, et il y a vraiment quelque chose de très touchant et très beau dans ce film. J'ai eu la chance déjà de le voir trois fois maintenant, et précipitez-vous, il sort en novembre. Quand je vous parlais de se battre pour des films comme ça, c'est vraiment un film pour lequel il faut se battre. D'autant plus que le film, là on parlait de mauvaises relations entre le producteur et le réalisateur, là ça, on le doit beaucoup au producteur Marc Dupont-Aivis, de manière étonnante, hein, producteur de Xylam, Oggy les Cafards, Lucky Luke, ce genre de choses. Il s'est battu pour ce film là le film existe, le film a été acheté par Netflix, ce qui fait qu'en fait peu de gens vont pouvoir le voir en salle en France, en Chine, au Benelux, et c'est quasiment tout, sauf peut-être dans quelques festivals, parce que Netflix, la salle a priori, même s'ils commencent à changer un peu, ils vont construire des... En France, il sortira en salle. C'est sûr. Donc précipitez-vous, voilà. Le 4 novembre, il sort en salle. Allez voir le film. Et allez voir tout simplement, parce que voilà, ben, pour moi, il y a deux grands films cette année, Villeneuve et J'ai perdu mon corps, deux longs métrages qui sont importants. Et malheureusement, Villeneuve est quasiment plus sur les écrans. Donc faisons pas la même chose avec J'ai perdu mon corps. Encore une fois, on en a déjà beaucoup parlé. Pas suffisamment, on en reparlera beaucoup, beaucoup plus en détail. Dans les compétitions, on va mélanger les deux, compétition long métrage et compétition qu'ils ont appelé cette année Contre-champ, donc qui étaient soi-disant les choses un petit peu plus un peu moins mainstream, je sais pas, en tout cas, qui ont un petit peu moins de choses, ce qui me paraît étonnant, parce que quand on voit Underdog ou des choses comme ça, ça peut paraître étonnant. J'ai suffisamment parlé de Villeneuve, mais aussi pourquoi Villeneuve et J'ai perdu mon corps, c'est important pour moi, c'est qu'il parle de l'intime dans le long métrage, ce qui, je pense, arrive beaucoup, peut arriver au Japon, mais assez peu finalement en Occident en général. Je retiendrai deux films, j'ai malheureusement loupé Homeless, je sais pas si les gens l'ont vu, pourront parler. Bon, bah, malheureusement, pas d'Homeless dont Isabelle Venier, on avait dit beaucoup de bien. Moi, je retiens deux films dans la compétition, dans les deux, j'ai vu très peu de films. La très très bonne surprise pour moi est venue du nouveau film d'Anka Damian, hein, Krulik, notamment La Montagne Magique, mais notamment Krulik pour moi, qui s'appelle L'Extraordinaire Voyage de Marona, qui sortira en février, je crois, 2020, si je dis pas de bêtises. Foncez le voir, je suis pas un fan non plus de Brecht Evens, il y avait tout dans ce film où je me suis dit c'est un film pour les enfants, Brecht Evens, je suis pas fan, enfin, etc. Et le film m'a complètement pris du début jusqu'à la fin, là aussi, voix magnifique du personnage principal, on suit un petit chien qui nous raconte un peu son histoire entre différents propriétaires, et c'est une merveille, c'est vraiment un très beau film. C'est une erreur là, grave pour moi, de j'ai pas vu Les Ours et j'ai pas vu Les Ondes de Kaboul, mais ce film aurait dû être à Cannes à un moment donné, on aurait dans un festival, on va dire, un peu qui mixe, parce que le film est juste vraiment merveilleux. C'est un film, on est complètement emporté par le film, la musique est extraordinaire aussi. Enfin, vraiment, c'est un film foncé, c'est un film pour toute la famille, réellement. Pas, vous savez, ces fameux trucs où il y a forcément un truc à un moment donné pour les adultes, comme dans Pixar ou un truc comme ça, qu'on peut aimer, bien sûr. Mais ça, là, c'est vraiment, il y a un charme pendant tout le film. Je vous laisserai après dire des petits mots si vous voulez dire sur ces films-là. Et l'autre film que je vous conseille, c'est Away, film fait par un réalisateur tout seul, Gins Zilbalodis, qui est lituanien, si je dis pas de bêtises, ou letton, letton, donc letton, et qui a fait son film quasiment tout seul. C'est pas un grand film, mais c'est un film, à mon avis, mixte entre ce que pourrait être un jeu vidéo quand vous le regardez et un film. C'est quelque chose d'assez assez extraordinaire comme ça. On a quelque chose qui est assez hypnotisant pendant tout le long du film, et c'est une autre aventure. C'est pas une aventure forcément narrative totale. C'est moi, ça m'est arrivé les premières fois où j'ai regardé des amis jouer aux jeux vidéo et de pas vouloir prendre la manette pour jouer et juste de regarder parce que j'avais envie de regarder ce qui se passait. Et le film est comme ça, donc tout n'est pas parfait dans le film, mais voilà, il y a l'idée de se laisser emporter par quelque chose. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on a tous beaucoup aimé le film de Sébastien Odenbach, qui était aussi réalisé, enfin beaucoup, seul, La jeune fille sans main. Mais je pense que Way va un peu plus loin, parce que La jeune fille sans main reste dans quelque chose d'assez classique dans le cinéma, et j'aime beaucoup, hein, encore une fois, il y a une narration. Là, d'un seul coup, c'est une histoire qui peut ne pas parler à des gens, une esthétique qui peut parler à des gens, et donc quelque chose qui est vraiment encore plus un ovni, entre guillemets, par rapport au reste de ce qu'on a pu voir ces dernières années au cinéma. Elvire, on va commencer par toi. Est-ce que tu as un mot à dire sur Away ou Marona ? Alors, je n'ai pas vu Away, mais Marona. J'ai beaucoup aimé Marona. Et c'est pareil, j'y allais en me disant, il n'y a pas grand-chose que j'aime dans le film, a priori. Et en fait, ça a marché à 100%. Pourtant, quand j'ai vu l'animation au début, je me suis dit, oh là là, je ne suis pas sûre d'aimer ça. C'est un peu trop bizarre pour moi, en fait, pour mes goûts qui sont plutôt classiques. Et en fait, je me suis entraînée dans la vie de ce petit chien, et j'avais quand même de jolies petites larmes à la fin du film. En fait, l'histoire est touchante, la musique est belle. Même l'animation qui me rebutait un peu au début, finalement, au bout d'un quart d'heure, je m'y suis faite et je l'ai trouvée magnifique, en fait. Et elle allait avec le reste. Il y avait un ensemble très cohérent. Il y a un ensemble très cohérent dans ce film, en fait. Donc moi, je vous conseille à tout le monde d'aller le voir et de passer outre les préjugés qu'on peut avoir face à des films qui sont un peu différents. On en reparlera de toute façon, et j'espère peut-être, pourquoi pas, avoir Anka Damian ici pour nous parler de Marona, même si elle est déjà sur 4 projets depuis. Donc voilà, c'est pas évident. Est-ce que dans le reste des films, il y a des films, alors, un qu'il faut absolument voir, c'est-à-dire que s'ils sortent ou s'ils sont sortis, je ne sais pas, entre Buñuel, Kung Fu, etc., cette superbe 3D du Serpent Blanc, après le Serpent Blanc. Est-ce qu'il y a des films qui, pour toi, qu'il faut absolument aller voir, et est-ce qu'il y a des films, on peut en parler peut-être, qui sont des grosses déceptions? Je ne sais pas pour toi, je sais, il nous en parlera Nicolas Le Caixiera, pourtant grand réalisateur. Oui, je peux en parler aussi, on peut commencer par cette grosse déception. C'est terrible, parce que déception. Grand réalisateur, hein, moi évidemment, leur coup est l'un de mes films préférés de ces dernières années. Colorful, un film que j'aime beaucoup. Je suis un peu moins fan de Misso Kusai, qui reste un grand film quand même. Voilà, que je trouve quand même extraordinaire, en fait, dans sa proposition. Et là, nous avons donc Wonderland, qui est une adaptation d'un roman jeunesse, donc qui est un film de commande. Keshihara a lu le livre, il l'a trouvé très mauvais, donc il a décidé de tout changer. je n'ose pas imaginer ce qu'était le livre initialement. Et donc, c'est son producteur qui lui a demandé de travailler sur ce projet-là. Et donc, dans Wonderland, donc, pour résumer brièvement, on suit une petite fille qui s'appelle Akane et qui, la veille de son anniversaire, en fait, dans une boutique, dans la boutique d'antiquité, enfin de boutique d'objets divers et variés tenue par sa tante. Dans cette boutique surgit un mystérieux homme qui s'appelle Hippocrate et qui l'emmène dans un autre monde qui souffre de sécheresse parce qu'il pense qu'Akane est la déesse verte et qu'elle seule peut aider le pays à se relever en fait et à récupérer. Est-ce que la pluie retombe dans le pays? Alors, j'ai quand même trouvé deux points positifs. Les paysages sont très beaux. J'ai trouvé qu'il y a il y a vraiment une beauté dans les paysages, qui soient des paysages qui plus à d'inspiration orientale en fait, qui peuvent faire penser par exemple à des montagnes chinoises très très colorées, et des paysages plus occidentaux, et notamment la topographie des villes, puisqu'il a travaillé en fait avec son chara-designer qui est russe et qui a fait des études d'architecture, et c'est lui qui a travaillé toute l'architecture des villes en fait pour faire penser à des petit village d'Europe de l'Est. Et ça, ces aspects-là de l'animation, j'ai vraiment trouvé ça superbe. Le reste, j'ai trouvé que c'était extrêmement mal écrit, qu'il n'y avait aucun enjeu dramatique, que les personnages étaient insupportables, qu'on était face à une petite fille blasée, et à côté, sa tante, donc l'adulte, est complètement hyperactive, complètement hystérique. j'ai pas compris le pourquoi du comment. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'éléments dans le film. Ça va dans tous les sens et la plupart des éléments, on ne sait pas à quoi ils servent. Est-ce que Keshara, et Nicolas, tu veux dire un mot peut-être après pour encore plus enfoncer le film, est-ce que Keshara n'est pas en train de se perdre? On sait que pour Misukusa, il y avait, je vous conseille, alors là, c'est vraiment rare en plus sur les films japonais, il y a un documentaire qui est sur le DVD du film où on voit Keshara est parti pendant 6 mois du tournage, laissant son assistant réalisateur faire le film lui-même. Là, c'est n'importe quoi d'après visiblement quasiment tout le monde, fans et non-fans. Est-ce qu'il est... Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Keshara? Il a réalisé coups qui étaient incroyables, colorful, puis petit à petit Il faut savoir que Keshara, c'est un réalisateur très frustré en fait, puisque c'est quelqu'un qui aurait adoré ne faire que des films en prise de vue réelle. Il en a fait un d'ailleurs, hein, oui, tout à fait. Il en a fait un, et en fait, à chaque fois qu'on lui parle, il parle que des films, films en prise de vue réelle, et je pense pas qu'il aime foncièrement l'animation. À chaque fois, on lui commande des films, il le fait, mais on sent que c'est pas la passion qui parle en fait. Alors, il a une très bonne relation avec son chara-designer, avec qui il va faire un nouveau film. Son prochain film sort encore avec lui. Il y a une très bonne relation il l'appelle son padawan, donc il le considère un peu comme son fils. Mais je me demande en fait si finalement c'était pas des coups de chance, ouais, les premiers films. Nicolas, est-ce que tu veux dire un ou deux mots? Mais pas forcément, on a plein d'autres films. Hein, Disons qu'en fait, il y a un mot aussi qui, à mon avis, résume bien le film. Même quand on ne parle pas japonais, d'ailleurs, on doit l'entendre au moins une quinzaine de fois quand on regarde le film, c'est le mot kawaii. Et en fait, on entend kawaii absolument tout le temps dans le film. Et c'est vrai que je pense qu'il a fait un film, justement, entre guillemets, mignon. Et disons que ça passe... Pour moi, ça passe pendant à peu près une heure. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, voilà, c'est pas forcément un univers qu'on apprécie, mais ça tient à peu près la route. Ce dont Albert n'a pas parlé, c'est la fin du film, qui déjà n'en peut plus de se terminer. Mais c'est parce que je ne me rappelle plus, je pense, en fait. Et à chaque fois... Nicolas va absolument vous spoiler tous les trucs que vous allez voir. Vraiment, c'est absolument c'est incroyable. Parce qu'à chaque fois, on se dit, non, mais il ne peut pas faire ça, c'est tellement horrible, et il ne peut pas le faire. Et en fait, il le fait. Et à la fin, on se dit, bon, au moins, il ne peut pas aller plus loin. Et en fait, si... Et il continue, et il continue, et il s'enfonce jusqu'à, on a l'impression, il va traverser le centre de la Terre, tellement il va bas et tellement il va loin, et c'est horrible, c'est vraiment horrible, la fin est catastrophique. Alors faut faire attention en plus, parce que c'est vrai que c'est là où c'est peut-être aussi le mot kawaii version occidentale à un moment donné qui se prennent, puisque normalement le mot kawaii en japonais est certes mignon, mais il y a un côté un peu angoissant et un peu inquiétant derrière le mot kawaii. Ça peut être angoissant ce film en même normalement, temps. Normalement, donc voilà, ouais, c'est ouais. Ça, c'est un peu bon. Donc malheureusement, Keshara, le film sortira, je crois, cet été. Hein. Le film sort le 24 juillet. Bon, et ben voilà, donc préférez plutôt d'aller voir Promère, oui. Hein, ou Les Enfants de la Mer. Les Enfants de la Mer, alors. Les Enfants de la Mer. Donc, studio production du studio 4 degrés C. Oui, tout à fait. Moi, donc, j'ai film loupé, alors. De Watanabe Ayumu, qui a plein de petits défauts, Notamment le fait que donc il adapte un manga de 5 tomes et objectivement le film dure, je regarde 1h50, on sent que ça patauge un petit peu d'un point de vue scénaristique. À un moment c'est pas très clair, on comprend plus vraiment. Et mais en même temps, enfin moi j'ai décidé quand je comprenais plus, je me suis dit c'est pas grave en fait parce que c'est sublime, c'est magnifique et que la dernière demi-heure c'est un de 2001 l'Odyssée de l'espace sous la mer en fait. On est, enfin moi j'étais en plein trip visuel, je me suis dit avec je sais pas la feuille de salvia, ça doit être merveilleux en fait, un trip chamanique. C'est vraiment très beau, j'ai rarement, enfin peut-être que c'est le festival, le cadre du festival, je sais pas, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film d'animation japonais aussi visuellement beau. Et vraiment, il y a rien à dire sur le visuel, sur l'animation. Moi, j'ai trouvé vraiment ça splendide en fait. Monsieur Cadre Gressé, je le rappelais, qui est donc le studio, notamment évidemment Mind Game. Le film est sorti le 10 juillet, donc la mercredi. Nicolas, toi aussi, il faut aller voir ce film. Moi, je suis moins fan qu'Elvire. Alors, je suis d'accord pour le côté scénaristique, puis moi, m'a un peu perdu. Et je trouve ça justement dommage qu'il fasse une espèce de trip visuel pendant au moins 20 bonnes minutes à la fin, alors qu'il aurait pu passer les 20 minutes à expliciter certaines choses, certains éléments un petit peu mieux avant. Après, le trip visuel, je trouve que c'est quand même un petit peu poussif. Il y a des choses qui sont très belles et je trouve que les Japonais justement réussissent à faire des choses que en général les Européens ont encore un petit peu de mal à faire, même si ça change. Il arrive quasiment à aller, au cours de son trip visuel, justement un peu chamanique comme tu dis, quasiment vers l'abstraction. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont presque, on pourrait presque croire, enfin, on a l'impression que ça vient de cinéma d'animation complètement abstrait, complètement expérimental, et qu'il arrive à inclure dans le cadre d'une narration. Et ça, je trouve ça plutôt réussi et plutôt pas mal. Après, je trouve ça quand même aussi un petit peu trop, un peu poussif, avec des métaphores qui sont quand même un petit peu abusives. C'est-à-dire que, bon, ceux qui détestent, par exemple, ces espèces de métaphores de début de création du monde par Terrence Malick pourront retrouver un petit peu la même. C'est sûr. Et un petit peu trop, encore un peu plus poussive et un petit peu abusée. Enfin voilà. Mais je suis d'accord avec toi, il y a plein de petits défauts. Mais je suis d'accord aussi là, c'est-à-dire que je trouve que le film est très très beau visuellement. Ouais. Ça, c'est vrai que visuellement, c'est une belle réussite. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais qu'ils arrivent à trouver un meilleur scénariste pour adapter des mangas comme ça. Mais une fois qu'ils auront trouvé un vrai scénariste qui arrive à adapter des mangas de 5 tomes en 1h50 de façon efficace et plus efficace que ça, je pense qu'ils arriveront à faire des choses qui seront assez intéressantes. Donc réalisateur à suivre en tout cas, a priori, et donc absolument aller voir aussi. Voilà, ça fait partie de ces films, battons-nous pour que ces films existent en salle. Il y a un film qui est sorti en salle maintenant depuis quelques temps, toujours Eurozoom, qui fait un gros travail évidemment sur la sortie des films en salle, c'est Buñuel Après l'âge d'or, en français, Buñuel après l'âge d'or, pour bien montrer que c'est bien le même réalisateur dont on parle, c'est un film d'animation, mais on parle bien du Buñuel de l'âge d'or, qui s'appelait normalement Buñuel dans le labyrinthe des tortues, en version espagnole. Moi, j'ai pas vu, est-ce que j'en ai entendu et du bien en disant que c'était quand même intéressant, mais qu'il valait mieux voir le film La Sourdasse, donc Terre sans pain en français, en même temps quasiment de Buñuel. Ça raconte un peu cet enjeu entre documentaire et puis tromper aussi les gens, enfin, etc. Vous l'avez vu tous les deux ? Oui, tout à fait. Moi, j'en ai plutôt un bon souvenir de ce film, en fait. Alors après, on part du principe que je connais très très peu de choses sur Buñuel, que je n'ai absolument pas vu Terre sans pain. Donc je suis arrivée un peu vierge de toute connaissance, en fait, devant la projection. Et je pensais, et là je pense que c'est l'affiche qui était trompeuse, enfin l'illustration qui était trompeuse, je m'attendais vraiment à un film avec beaucoup de surréalisme, en fait, quasiment pas. C'est bizarre. Moi, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait, je connaissais rien, donc je l'ai vraiment pris comme un film d'animation documentaire. Du coup, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur le film. Après, j'ai pas grand chose de, enfin, pas de positif. Enfin, le film m'a pas marqué à vie, mais j'ai passé un très bon moment et je suis sortie du film en me disant, j'aimerais bien voir Terre sans pain. J'aimerais bien plus me renseigner. Donc, au moins, le film a eu ce mérite-là, en fait. Qui est d'attiser ma curiosité. De donner un peu envie. Toi, Nicolas, tu connaissais Terre sans pain ? Oui, moi, je connaissais Terre sans pain. J'aime beaucoup Buñuel. Je trouve le film assez didactique avec ce que ça a de positif et de négatif. C'est-à-dire que c'est très bien, je pense, pour des gens comme toi qui ne connaissent pas ou peu Buñuel, justement. C'est-à-dire qu'on apprend des choses, c'est plutôt bien fait. Il y a des éléments qui sont assez intéressants. Après, le gros problème, c'est que le côté didactique rend le film très sage et surtout par rapport à qui est Buñuel, et j'aurais aimé quelque chose de plus voilà, de plus vénuélien peut-être. Mais voilà. Mais donc, film assez didactique, qui vaut le coup d'être vu, je pense, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Pour après, d'accord. Si vous avez un autre film, et j'aimerais qu'on parle de deux films. On a parlé de J'ai perdu mon corps, qui a éclipsé beaucoup de choses. J'étais, encore une fois, c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de Marona assez rapidement, parce que je pense que le film méritait plus, hein, encore une fois, que ce qu'il a donné. Il y a deux films, évidemment, qui étaient très importants aussi, qui, eux, étaient à Cannes, Les Hirondelles de Kaboul et... La, j'arriverai jamais à le dire en entier, mais les ours, comme on l'appelle toujours, on l'appelle les ours. La fameuse invasion des ours en Sicile. Voilà, merci beaucoup, qui est réalisé par le célèbre auteur graphique Lorenzo Mattotti, et surtout tiré d'un roman, alors plutôt jeunesse, de Dino Buzzati, mais voilà, donc plutôt un de ses romans jeunesse, et d'ailleurs Buzzati a lui-même fait les illustrations de son livre. Les deux films vont sortir, je pense que et les hirondelles et le ours sortent à peu près en octobre, novembre, à peu près septembre, en même temps. Septembre, je crois, pour les hirondelles. Septembre pour les hirondelles, et donc... Et à peu près octobre ou novembre pour les donc, ours. Donc les hirondelles tirées, là aussi, du célèbre best-seller de Yasmina Kadra. Est-ce que moi j'ai vu aucun des deux? Je crois que tu as dû aller voir Les Ours. J'ai vu Les Ours, ouais. J'ai pas t'as vu. Pas vu les hirondelles. On joue comme ça dans l'animation. T'as vu Les Ours, pas les hirondelles? Toi t'as vu les deux? Non, j'ai vu Les Ours et pas les hirondelles. Décidément, ah, les hirondelles n'ont pas, pas de rue. Les hirondelles étant réalisées, je vous le dis, hein, par Eléa Gobek-Mevelek. Et aussi Zabou Breitman, mais comme dans la presse on vous parle que de Zabou Breitman et pas de la co-réalisatrice Eléa Gobek-Mevelek, pardon, mais moi j'ai du mal à prononcer, qui est une animatrice réalisatrice. C'est important d'en parler un tout petit peu. Ce que j'en ai entendu parler, moi, était pas dithyrambique. Ça va de oui, c'était quand même plutôt bien, mais voilà, c'est pas bon du tout. Par contre, moi, ce que j'ai entendu, c'est que tout le monde a l'air d'être d'accord sur le fait que visuellement le film est très beau. Alors voilà, visuellement, après c'est toujours le problème de genre de film aussi qui adapte un best-seller et qui est réalisé aussi par deux personnes qui sont qui connaissent pas forcément l'Afghanistan, qui ont jamais été là-bas forcément, ça peut être aussi un petit peu compliqué de parler des fois de choses comme ça. Allez, est-ce que Lorenzo Mattotti pour vous a réalisé son pari? Il avait déjà fait pour moi le meilleur segment de Peur du Noir, hein, qui était absolument extraordinaire. Est-ce que avec la fameuse invasion des sources en Sicile, il se prouve réalisateur? Ou pas complètement, mais ça reste un bon film. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Nicolas? Moi, je le trouve réussi. C'est pas... Comment dire? Évidemment, on est dans le cadre, et Lorenzo Mattotti, d'ailleurs, le dit lui-même, c'est-à-dire que son but, c'est de faire une œuvre, justement, qui est familiale, qui soit familiale, et c'est un film qui est vraiment familial. C'est un film qui fonctionne très bien, je trouve. D'un point de vue scénaristique, ça reste relativement simple, et pour moi, c'est pas non plus ce qui m'a le plus... transcender non plus, on va dire, voilà. Mais d'un point de vue visuel, je trouve que ce qu'il arrive à fournir, et du point de vue de l'animation, c'est quand même très intéressant aussi. La manière dont il joue justement sur des rythmes assez répétitifs, sur des choses comme ça, sur des éléments cycliques, sur le rapport 2D, 3D aussi, même si ça traverse toujours... du rendu 2D d'une manière ou d'une autre, est assez intéressant. Les monstres qu'il met en scène sont plutôt bien, et on retrouve, même si évidemment on retrouve pas son trait assez particulier et crayonné justement, et que c'est un petit peu plus lisse ici, on retrouve toute la palette colorée qui voulait, habituelle. Il voulait que ça ressemble pas trop à ses illustrations, à son travail. Ouais. Mais par contre, Lorenzo Mattotti reste pour moi l'un des plus grands coloristes possibles et imaginables dans tout ce qui est illustration, bande dessinée, etc. Et là, je trouve qu'on ressent bien son côté coloriste. Et les couleurs sont vraiment exceptionnelles. Il y a des séquences qui fonctionnent parfaitement bien. Je trouve que le film en lui-même mérite vraiment d'être vu. Il y a des séquences qui sont assez incroyables. Enfin, voilà. Je crois qu'elle est d'accord. Enfin, d'accord. En fait, c'est un très bon film familial. J'imagine totalement emmener mes neveux et mes nièces le voir, en fait, parce que ce soit en termes d'animation, graphiquement, en fait, il a à la fois il propose quelque chose d'un petit peu différent, d'un point de vue graphique, mais qu'il le soit pas trop non plus pour pas trop chambouler, en fait, la famille. Moi, après, j'aime beaucoup en plus le roman de Buzzati. Le roman original, donc j'ai replongé un petit peu en enfance. Et oui, le scénario est simple, mais il n'est pas inutilement compliqué, il est simple sans être trop simple. Pour moi, le pari, il est réussi. En fait, il va, c'est pas un film qui va essayer de proposer plus que ce qu'il veut nous montrer, en fait. Et moi, déjà, ça me suffit beaucoup, en fait. En général, c'est déjà l'une bien. Des choses qu'il disait aussi, justement, c'est qu'il voulait essayer d'avoir, de faire un film qui ne soit qui se situe hors des canons, on va dire, traditionnels, c'est-à-dire hors de l'esthétique un peu Disney, hors de l'esthétique un petit peu plus Ghibli. Et je pense que c'est plutôt réussi. Totalement. Moi, je retrouve plus un côté là-dedans. Alors, pas totalement, mais par certains moments, qui se rapprocherait un peu plus de Grimaud que des deux, c'est-à-dire qui est vraiment plus dans un entre-deux et avec une animation qu'on pourrait presque qualifier entre guillemets d'européenne. Oui. Alors, on essaiera d'en reparler, j'espère. On essaiera d'avoir ici même Lorenzo Mattotti dans ce studio hein, pour en parler un petit peu avec lui. Je sais que ça sera, c'est toujours compliqué parce que au moment de la sortie, ce genre de réalisateur, hein, c'est évidemment, est beaucoup pris comme c'est des gens un peu connus par les médias, même si ça intéresse que moyennement des fois au film. En tout cas, ils veulent l'avoir par rapport à ça. Il y avait cette année la volonté de créer une nouvelle compétition qui est Contre-champ. C'est quand même assez étrange. Moi, j'ai l'impression, donc c'était à la place du Panorama et c'était soi-disant pour des films un petit peu plus faibles, entre guillemets, mais quand on voit en effet Kung Food ou juste le film d'après, Diadem de Muertos, des choses comme ça. Alors ça peut être des films... On met quand même Kung Food et Villeneuve dans Contre-champ. Oui, voilà, c'est okay. Ça. Et alors, il y avait des choses un petit peu, Zero Impunity qui parle de la guerre et des viols pendant les guerres, donc des choses très, très dures. On va avoir Homeless, qui est une espèce de truc, paraît-il, complètement barré, que moi, j'ai pas vu, chilien, qui montre que Disney est la base de tous nos malheurs dans le monde. Ou Underdog, film coréen qui a l'air... je ne sais pas. Qui est mignon. Qui est une sorte de petit pied, La Vallée des Merveilles, avec des chiens. D'accord. Donc, c'est pas du tout original pour un sou. Oui, donc c'est pas forcément Contre-champ, quoi. Pas du tout. Mais ça fonctionne très bien. C'est une meute de chiens abandonnés par les méchants maîtres. Alors, c'est très manichéen. Ouais. Il y a des hommes très, très, très gentils et des hommes très, très, très méchants qui passent leur journée à tuer des chiens. mais à part ça, c'est mignon comme tout. Ouais. Pour la famille, c'est parfait. C'est pareil, le graphisme est assez. Et à une petite pointe d'originalité qui fait qu'on n'est pas totalement chez Disney ou chez Ghibli, ni chez Pixar. Donc non, c'est mignon. Après, je l'ai déjà un petit peu oublié, mais il va sortir en France cette année ou début d'année prochaine sous le titre Nous les chiens, par Jokers. Okay. Et ça vaut le coup d'emmener les enfants, parce que je pense que là, les enfants, ils vont pleurer, ils vont rigoler. C'est donc un film réussi. En tout cas, pas forcément une réussite, c'est ce mélange entre Contre-champ et long métrage soi-disant officiel, où on a d'un seul coup, on a un petit peu, quand je vois en effet qui est peut-être bien, mais moi, mon ninja et moi, qui est de l'autre côté, enfin, qui est dans officiel, etc. Donc, Seigneur, je comprends la volonté de mélanger par contre les films pour enfants et les films tout public et les films adultes. C'est plutôt bien, parce que voilà, pourquoi faire une sélection, sauf qu'on peut vraiment poser des questions sur. Je sais pas comment ils ont réparti les films, là, je comprends pas. Ouais, ils ont peut-être pris les films de réalisateurs plus célèbres et, comme Kei Fiara par exemple dans la compétition, même si Wonderland n'est pas vraiment la plus grande réussite, mais surtout je pense que c'est peut-être la volonté de ne plus l'appeler hors compétition pour pouvoir la rendre compétitive. Je pourrais vouloir te dire, que Whitesnake, donc c'est cette nouvelle adaptation du Serpent Blanc chinoise qui a pas l'air... Enfin, je veux pas être méchant, mais c'est pas bon du tout. Par des réalisateurs totalement inconnus et qui resteront inconnus pendant très longtemps, je pense. Donc, Whitesnake, une nouvelle adaptation de la légende du serpent blanc. Ça doit être la 15e ou la 20e en fait au cinéma depuis le début. C'est donc un film en 3D qui est pas dégueulasse sur les paysages. Les paysages sont plutôt beaux. Les scènes d'action sont parfois un petit peu loupées, mais ça va. Par contre, c'est un film très, totalement inutile déjà, et très beauf. Mais vraiment, c'est du lourdeur absolue. Donc on aurait pu imaginer. Donc ça veut dire que on va arrêter. T'as raison. En plus, si le film sort comme ça, vous le savez, surtout pas aller voir cette énième recette horrible donc du serpent blanc. Mais on peut se demander pourquoi en effet alors je sais la réponse. Hein, Marcel Jean, directeur artistique, le dit parce que comme ça, ils ont plus de chances de s'en sortir. La seule chose, c'est qu'à la fois, moi, on m'a dit, par exemple, pour les séances de Villeneuve, les gens sortaient. Et il y avait des salles qui ont confiné à moitié vide à Villeneuve, qui étaient pourtant dans Contre-champ et que les gens ne font pas tellement attention, Contre-champ, pas Contre-champ, ils vont voir, c'est du long. La preuve en est, nous, on doit regarder le catalogue pour savoir ce qui était en Contre-champ et ce qui n'était pas, parce qu'on a tout mélangé, on a vu des longs-métrages et l'essentiel, c'est les longs-métrages qu'on a vus. Savoir s'ils sont en Contre-champ ou en compétition, moi, franchement, je m'en fiche. Ouais. Disons que ça... que tu dis là, en fait, ça pourrait fonctionner si on était au Festival de Cannes entre la compétition officielle et Un Certain Regard. Oui. Ouais. Notamment parce que c'est vrai qu'à Un Certain Regard, les gens prêtent un peu moins attention aux films. Donc si les films sont un peu plus fragiles, ils vont pas se faire démolir autant que peut se faire démolir un film qui arrive en compétition officielle. Le seul problème, c'est qu'Annecy n'est pas encore le Festival de Cannes. Et donc, je pense que c'est vrai que la distinction entre les deux, pour le moment, elle n'est vraiment pas encore faite. Si je dis ça, c'est parce que depuis 2-3 ans, donc, il y a Perspective, et je trouve que si elle commençait bien cette compétition Perspective, en donnant, donc ça c'est pour du court-métrage, en donnant une vision, en donnant des écrans pardon, pour des pays qu'on va appeler en voie de développement pour l'animation, même celle-ci, alors qu'elle avait bien commencé, devient étrange, puisqu'on va avoir des films comme, alors des films canadiens, alors oui, des premiers films, mais bon, un peu étrange, voilà, parce que c'est pas un petit pays. Des films croates, il y avait le film de Daniel Sulic, qui est le directeur artistique de Zagreb, donc c'est pas le premier film qui vient de Croatie, donc un personnage connu et un pays qui a fait des films d'animation depuis longtemps, et je trouve qu'elle se perd là où elle était intéressante et qu'on revient à ce panorama qui en effet ne veut pas s'appeler panorama parce que les gens veulent pas être en panorama, c'est gênant, et meilleure compétition donc on change la compétition comme ça, ils disent on peut quand même avoir un prix, mais finalement c'est un peu étrange parce que en plus dans la compétition Contre-champ qui avait le même nombre de films je crois quasiment que l'autre, il y avait allez, peut-être un peu moins, il y avait 8 film alors que l'autre en avait combien ? En avait 10, mais il y a 3 prix ou 2 ou 3 prix pour la compétition long métrage officiel alors qu'il n'y a qu'un seul prix et qu'on aurait pu penser une mention. Enfin bon, ça reste encore à mon avis un petit peu étrange. Il est 26, on a déjà beaucoup dépassé, merci beaucoup d'être resté. Est-ce qu'il y a, avant de refaire une dernière pause musicale, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, un film, alors que ça soit, Elvire, toi c'est surtout les longs, t'as pas vu de courbe, ou il y a une programmation, il y a quelque chose qui te paraît dommage, dont on n'ait pas parlé ou Alors moi, il y a un film que j'ai vu le dernier jour, il faut juste que je retrouve le titre, c'est un film tchèque. Ah, je crois. Hongrois. Excusez-moi. Hongrois. C'est un film hongrois, pas tchèque. C'est un film hongrois, donc je n'arrive pas à retrouver évidemment. Alors il y avait. Janos. On y arrive. Il y avait Janos. Voilà. Janos Vitesse. Que j'ai adoré. Je l'ai vu un peu par hasard parce que c'était le dernier jour et j'avais du temps, donc je me suis dit je vais aller le voir. Et j'ai succombé au charme de ce film en fait. Complètement psychédélique, qui m'a beaucoup fait penser à Belladonna en fait, de ce côté très psychédélique, un peu érotique en fait, mais en beaucoup plus violent. C'était une très très belle découverte. Et là, je dis merci à Annecy parce que je pense que je n'aurais jamais pu le voir en dehors de ce festival. Pour le coup. Et surtout qu'à mon avis, là, la copie devait être belle et le film devait être restauré il n'y a pas très longtemps. La copie était restaurée, donc c'était vraiment magnifique. Alors, je vous donne quand même, tu vois, pour revoir, donc Janos Vitesse, hein, J-A-N-O-S, plus loin, V-I-T-E-Z. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, vous le trouvez dans une copie qui n'est pas si mauvaise que ça. Heureusement d'ailleurs qu'ils font un travail comme ça. Le centre du cinéma hongrois l'a mis sur le Vimeo, sur YouTube, dans une copie pas catastrophique, et je crois, par contre sous-titré en anglais évidemment, mais voilà, mais en effet regardez-le, je pense qu'un jour on reviendra et on se rendra compte que les années 70 notamment et un peu 80-70 ont produit des longs métrages assez incroyables, et ça c'est il y a une animation à l'intérieur qui est virevoltante, enfin ça va dans tous les sens et on se rend compte à quel point il y avait une animation sublime à cette époque-là. Et je pense aussi surtout et ce qu'on connaît peut-être moins dans le bloc de l'Est. Oui, complètement. Oui, tout à fait. C'est passé sous les radars, en fait, et on rattrape maintenant. Il y a d'autres films hongrois aussi de cette époque-là. Il y avait Cat City qui est un peu moins intéressant, qui était juste aussi dans ce qu'ils appellent Annecy classique, hein, qui se veut un peu le pendant du Cannes classique. Annecy regarde beaucoup vers Cannes depuis quelques années. Mais il tente, après, bon, quand évidemment, c'est toujours intéressant, quand il y a des choses aussi intéressantes. Hein, le Serpent Blanc était dans Annecy classique, Venus Wars dans Annecy classique. Aussi, oui. Voilà, Janos Vitesse. Donc c'est quand même pas inintéressant d'avoir tout ça. On va te laisser partir. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette première. J'espère que c'était qu'une première et que tu reviendras assez régulièrement avec ici. Plaisir. On va prendre un petit peu de repos avant. On fera tout d'un côté. Allez, non, pas tant que ça. On va prendre 3 minutes. Je voulais faire plus, mais on a quand même encore pas mal de choses à dire sur les courts-métrages. On va mettre l'un de mes autres coups de cœur. Je vous ferai écouter My Sleeping Karma, Et oui, c'est des noms comme ça. Radio Moscou ou The Young Gods, célèbre groupe métal électro suisse, absolument à découvrir, qui est là depuis 20-25 ans, hein, absolument incroyable, qu'on connaît dans l'animation, puisque un des morceaux des Young Gods apparaît dans Khalil Petit Vampire de Regina Pessoa. On va écouter un groupe américain qui s'appelle Will Haven. Ils sont américains, si je dis pas de bêtises, d'un seul coup j'ai un trou de mémoire. Object of My Affection, ça dure 3 minutes 20 et ça va assez vite. Alors, bulle de rêve, le retour. Elvire nous a quittés et Alexis est de retour. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Toujours bulle de rêve, donc avec cette programmation, cette fois-ci très Hellfest hein, 2019. C'était, on écoutait Will Haven. Alors Nicolas, nous, il nous reste, allez, même pas un grand 20 minutes, on va dire, pour parler des courts-métrages. Est-ce qu'on va, on va pas pouvoir faire tout hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a 5 sélections courts-métrages. Il y a Les Off Limits. Il y a Perspective avec 3 programmes, si je dis pas de bêtises, ou au moins 2 programmes Perspective. 3 ou 4 quatre films de fin d'études, les films de télévision, alors qu'ils sont pas des courts, mais quand même, les films de commande, les œuvres vertes, on a déjà parlé. Et un programme spécial qui était vraiment très très intéressant cette année, qui était Au-delà du temps, donc le programme réalisé par Jean-Baptiste Garnereau des Archives françaises du film, avec pas mal de petites choses qu'on n'avait jamais vues ou qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Parlons des choses qui nous ont chacun marqué un tout petit peu. On fait un à la fois. Vas-y, toi alors, est-ce que tu veux parler de cette séance? Moi, j'ai vu malheureusement que le début. J'animais oui. quelque chose, je ne pouvais pas rester. Est-ce qu'il y a... Alors, oui, il y a quand même pas mal de films qui sont vraiment, vraiment bien. Alors, un film, par exemple, dont j'avais entendu parler pas mal de fois, mais que je n'avais absolument jamais vu et qui vient juste d'être restauré, Les Mémoires de Don Quichotte de Robert Lapoujade, qui est donc un extrait du Don Quichotte que Lapoujade ne termine, encore n'aura jamais terminé. Encore un Don Quichotte. Encore un Don Quichotte qui n'a jamais été terminé, avec la voix absolument magnifique et assez surprenante de Claude Nougaro, qui chante également pendant le film. Donc c'est juste un extrait de Don Quichotte avec Claude Nougaro en marionnette, donc un film de marionnette qui est vraiment impressionnant. Et disons que l'extrait dure 11 minutes et on regrette vraiment après les 11 minutes. Il y a quelque chose de très frustrant, c'est qu'il n'ait pas pu continuer parce qu'on aurait vraiment, enfin, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment voulu voir la suite. Donc voilà. Autre chose qui était vraiment très bien, c'est la restauration du Picadon de Renzo Kinoshita. Oui. Donc un film de 1978 qu'il a réalisé par rapport justement à la Seconde Guerre mondiale et à la bombe atomique qui explose sur donc Hiroshima. Voilà. Et en fait, le film était disponible jusque-là dans des copies qui étaient vraiment extrêmement mauvaise, assez exécrable sur YouTube. Ouais. Et là, le film donc vient d'être restauré. La restauration est vraiment fabuleuse. Pas mal d'autres petites choses, et là on voyait justement que c'était un petit peu un hommage à l'animation japonaise. Il y avait d'autres films d'animation qui venaient d'être restaurés, mais pour moi le Picadon était vraiment le plus intéressant. Alors pour continuer, moi il y avait j'ai malheureusement pas vu grand chose, mais il y avait un programme spécial Nouvelle Vague court métrage sur le Japon, et tu l'as dit tout à l'heure, mais je reviens, il y avait un film de Yuriko Mizuchiri qui est la réalisatrice de Futon Maku, qui est pas son meilleur, mais qui prouve et qui montre, un film de Sawako Kabuki, un film de Sarina Nie, que j'aime beaucoup, Rabbit's Blood, et bien sûr Akino Kondo, et bien sûr Yorikaza. Et en fait, ça nous montre à quel point, comme je le dis, l'animation japonaise, et notamment la nouvelle vague, la nouvelle génération, propose vraiment des choses rares, assez exceptionnelles, et en tout cas dans des styles complètement alors barré, toujours un mot facile à dire, mais en tout cas vu graphiquement et surtout narrativement, tu parlais de boucle tout à l'heure, jouer sur des boucles, jouer sur du non-sens, jouer sur du délire, jouer sur un côté un peu punk, un peu fou comme ça, ou alors presque très intellectuel, jouant dans l'autre sens comme Ryorikaza, mais toujours très organique aussi, et ça c'est un bonheur. Je crois qu'ils ont du mal à passer à l'ordinateur, et Dieu sait si j'ai rien contre l'ordinateur ou tout ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est agréable de voir en effet le papier qui gonfle, avec la peinture, des choses comme ça. Et donc voilà, donc c'était... une nouvelle vague japonaise. Si vous avez l'occasion, précipitez-vous aussi sur internet, il y a des choses qu'on peut trouver de temps à autre. Alors là, dans les nouvelles vagues japonaises, mais qui est hors programme spéciaux, c'est-à-dire que c'était pas présenté dans les nouvelles vagues, mais plutôt dans les films de fin d'études, donc vraiment les étudiants en train d'arriver, il y a un film moi qui m'avait beaucoup marqué, je sais pas si tu l'as vu, mais je suppose que oui, c'est Keep Forgetting de Takahiro Shibata, qui vient justement de la Gedai. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et qui montre un ours en peluche. Et c'est un film, donc c'est un dessin animé avec un ours en peluche, mais qui est très, très particulier, assez angoissant, et qui met vraiment le spectateur assez mal à l'aise. Et qui, moi, m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Je pense que c'était vraiment l'un de mes coups de cœur dans les films d'étudiants. Alors, moi, dans les films d'étudiants, je fais les programmes, je vais vous dire. Ça faisait l'occasion, on était récemment dans un jury, Nicolas et moi, et il a tenu assez longtemps. Sweated, qui est un film alors assez surprenant, qui parle un peu de tout ce que peut nous amener de mal aussi Internet, hein, et notamment tous les gens qui vont les haters, comme on dit, hein, tous ces gens qui vont d'un seul coup envoyer des messages de haine, ou en tout cas voilà, et qui là, Sweated est un film qui est étonnant par rapport à ça. Alors toujours la même chose, est-ce que c'est un grand film ou est-ce que c'est un film qui est étonnant parce que ça nous parle de quelque chose dont on n'est pas forcément au courant, et là c'est tout simplement sont des gens qui jouent sur YouTube et en fait des gens vont se faire passer pour eux au niveau de la SWAT team hein, qui est un peu le GIGN américain pour leur dire que ils ont tué leurs parents, un truc comme ça, quelque chose comme ça en tout cas d'assez dur, et la SWAT team va arriver chez eux pendant qu'ils jouent au jeu et quelqu'un est déjà mort évidemment, enfin parce que c'est la SWAT team, elle débarque pour les choses très très graves et pas les choses, donc c'est assez fou et c'est fait avec des images reconstituées de jeux et c'est assez étonnant. Il y a quelques films comme ça qui dénoncent aussi très bien You Are Overreacting, qui est un film polonais, la fameuse les fameuses réalisatrices polonaises absolument étonnantes, ici Karina Pachurkowska, désolé pour la prononciation, qui nous montre évidemment l'espèce de misogynie malheureusement quotidienne que les femmes ont encore à subir en disant mais les femmes devraient rester plutôt à la maison, devraient faire ceci, cela, et c'est des gens qui sont interviewés aussi bien dans la rue que des gens à la télé, etc. Et c'est accablant évidemment de conneries et important de toujours réentendre. Vas-y, et si je tu veux. Je pense qu'il y a aussi, alors parmi les films, les sélections étudiantes que j'ai vraiment trouvé très intéressante aussi, vraiment les films d'étudiants, enfin il y a pas mal de films d'étudiants, j'ai l'impression cette année, qui auraient aisément pu passer en compétition, tellement la compétition étudiante était, enfin les compétitions étudiantes sont vraiment de très bonne qualité et de très haut niveau. Il y a une thématique qui revient très souvent d'ailleurs dans ce type de compétition, c'est le rapport au corps qui est toujours assez perturbé et assez perché, notamment dans quelques films. Alors là, il y en a trois notamment qui me reviennent en mémoire le plus. C'est le film These Things in My Head, Side A de Luc Bourne, qui vient de la Birmingham City University, donc BCU, un anglais, et qui donc essaye de se baser sur ses pensées pour montrer une espèce de métamorphose du corps en quelque qui devient maladif, et plein de choses vont sortir du corps. Il y avait une scène d'accouchement qui est assez monstrueux, donc un accouchement masculin, et avec tout un rapport au corps qui est de plus en plus dégoûtant, horrible, avec les scarifications, les ouvertures du corps. Et j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il essaye de presque d'aller voir ce qui est à l'intérieur même de la chair, qu'il essaye vraiment de s'interroger sur ce qu'est vraiment l'organicité et l'organicité des corps animés, du corps animé. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans un autre film, donc d'une réalisatrice qui doit être coréenne, j'imagine, mais qui vient du Royal College of Art. Le film s'appelle Happy Ending de Unju Arachoy, et qui est vraiment basé sur un témoignage d'une prostituée coréenne et qui s'interroge sur ce que c'est que être l'objet du plaisir d'autres personnes. Et justement, toujours avec le rapport au corps, au sien, le rapport au corps de ses clients, comment on perçoit le corps des clients, comment on se perçoit soi-même, le rapport entre les deux qui était très intéressant, et un autre qui avait déjà circulé en festival puisqu'il était présenté à la Ciné Fondation à Cannes, qui est un film polonais de Barbara Rupik qui s'appelle The Little Soul Duchitska, je pense, si je le prononce à peu près correctement en polonais, donc il vient de Łódź, donc la grande école polonaise, que ce soit en prise de réel ou en animation, avec un cadavre coincé sur les berges et qu'on voit naviguer un petit peu plus et qu'on voit en état de décomposition, en état de pourrissement, avec toujours une interrogation sur le corps maladif, le corps qui est vraiment dans un état entre deux, c'est-à-dire entre la vie et la mort, ou justement ce que c'est que mourir, ce que c'est que se décomposer. Et ça, c'est des thématiques qu'on voit réapparaître assez régulièrement, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont jamais traités de la même manière. Et parfois, il peut y avoir un côté drôle. Dans le film de Luc Bourne, il y a vraiment quelque chose de sale mais d'assez amusant. Dans d'autres, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus angoissant, beaucoup plus macabre. Tout dépend du traitement, mais c'est quelque chose, je sais pas pourquoi justement, qui revient très régulièrement, et plus d'ailleurs dans les compétitions étudiantes, j'ai l'impression, que dans les compétitions professionnelles. Après, c'est vrai que dans les compétitions professionnelles, il y a peut-être un peu moins ce genre de choses, mais je pense que c'est aussi assez présent. La seule chose, c'est que je pense que le côté un peu fou des fois des étudiants, des étudiantes qui vont se retrouver avec moins de producteurs, moins de choses derrière eux, même s'ils peuvent avoir l'école, peuvent leur permettre de faire des choses aussi un petit peu plus personnelles et de manière peut-être un peu plus directe que vont peut-être un peu moins le faire les professionnels. Juste regardez autour de vous, hein, parce que c'est vrai qu'on parle et de temps à autre, on se dit, ben, on parle de court-métrage, une partie des court-métrages vont arriver sur Internet d'ici un ou deux ans, n'hésitez pas à aller sur le site de d'Annecy, hein, tout le catalogue et certaines écoles dessus. Peut-être même les mettre en ligne. C'est pour ça, vous avez déjà certains par exemple de l'MK ou des écoles comme ça qui sont déjà en ligne. Et puis je prêche pour ma paroisse, ce que je ne fais pas souvent, n'étant pas croyant. Mais en tout cas, là, c'est la mienne, donc voilà. Évidemment, je vais commencer la programmation du prochain PIAF, dont je vous reparlerai un petit peu, je peux vous dire qu'en ouverture, d'ailleurs, il y aura Brigitte Lecordier, qui est la voix de Dragon Ball. Voilà, hein, c'est Sylvie qui a vu ça, mais on aura pas mal de gens comme le studio Bobby Pills qui va venir aussi, parce qu'elle fait des voix sur le studio Bobby Pills, donc voilà, donc Brigitte Lecordier sera là. Et j'ai vu ça, c'est parce que... Je ne suis pas encore sûr et je pense qu'elle n'écoute pas puisqu'elle est tchèque, donc il n'y a aucune raison, donc je peux en parler, mais on a reçu pas mal de beaux films, dont par exemple le Grand Prix de cette année à Annecy, qui est d'auteur, film en volume très étonnant, quasiment en caméra à l'épaule, enfin il y a un côté qui est très étonnant dans la mise en scène, je ne suis pas fan forcément complètement du film, mais en tout cas il y a un cachet, un film qui est assez incroyable en tout cas dans ce qu'il propose et même visuellement. Ouais. Et justement là, je parlais des films qui pourraient assez facilement être en compétition et celui-là, j'aurais pas du tout été surpris de le voir justement en compétition officielle, tellement il est réussi. Rien que d'un point de vue technique, il est assez éblouissant. Les deux réalisateurs de Madame Tutti-Putli, puisque le directeur artistique leur a montré le film et ont été bluffés tous les deux de savoir qu'une étudiante pouvait faire quasiment seule. En tout cas, il y avait une équipe aussi derrière, mais en tout cas, à l'école, film comme ça. Et pour moi, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans le film, c'est justement le fait que ça aussi, pour moi, je pense que c'est un film, vraiment un vrai film d'animation, mais juste un vrai film tout court, où en fait la réalisatrice disait clairement avoir été assez inspirée au niveau de la mise en scène, et c'est des éléments qu'on retrouve par des gens comme les frères Dardenne ou alors comme Lars von Trier, et je pense que dans son rapport au monde il y a quelque chose justement qu'on arrive facilement à retrouver de ces cinéastes là et on voit aussi à travers ce film à quel point on peut avoir des croisements, des chevauchements assez intéressants entre justement donc la prise de vue continue et l'animation, et notamment quand l'animation arrive à reprendre des éléments de la prise de vue continue tout en gardant son côté ses spécificités. Et là, je pense que c'est l'un des films les plus intéressants par rapport à ça. Dans la compétition perspective, on remonte, je garderai que deux choses, donc perspective, hein, soi-disant ces nouveaux pays ou alors ces jeunes auteurs, de films croates, c'est comme ça. Le film de Daniel Sulic, From Under Which Rock Did They Crawl Out, que je trouve très beau, très étonnant. On parle avec des animaux et puis tout l'écran noirci. Et le film est vraiment une très très belle réussite et je pense l'avoir au PIAF parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et un autre film qui s'appelle Imbued Life, de Ivana Bochniak et Thomas Johnson. C'est un film en volume qui j'espère, nous amène de plus en plus vers un nouveau style de volume. Le volume tel qu'on l'a vu par Laika, ce qu'on va appeler le volume, les marionnettes notamment, va dans quelque chose de qu'en fait des tonnes, très très impressionnant. Et là, on a quasiment des natures mortes. Il y a quasiment pas de mouvement. On est dans la beauté du petit mouvement, du petit geste. On peut évidemment penser aussi à Nicoline Rose von Bar qui fait ça, ou à d'autres, ou Léa Vidakovic aussi, autre croate qui travaille. Peut-être qu'elle est serbe, je suis désolé. En tout cas, Léa Vidakovic qui vient donc de l'ex-Yougoslavie, pardon, si je me trompe de pays. Mais en tout cas, c'est il y a vraiment une nouvelle volonté de travailler sur un volume, sur des marionnettes qui ne sont pas là pour les pattes, on va dire, pour épater le spectateur, mais pour nous immerger dans des moments donnés qui sont proches presque de peinture hollandaise, voilà, des grands maîtres hollandais, et vraiment avec des caméras fixes et des plans fixes. Et on a un grand grand cinéma qui est en train de se faire, un cinéma qui, alors puisque là tu disais à l'instant justement comment le cinéma de prise de vue réelle continue peu d'un seul coup se mélanger avec l'image par image, etc. Là, je pense qu'on a quelque chose qui mélange les deux, où on cherche pas le mouvement pour le mouvement, mais qu'on cherche l'expressivité du mouvement dans sa simplicité. Très très beau film, Imbued Life. Alors, Moi, je me demande juste si tu... Parce que je ne les ai pas vus et j'ai entendu pas mal parler du film Am I a Wolf de Amir Ushang Mohain. Je me demande si tu l'as vu et ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Je l'ai vu. Très beau film iranien. Film visuellement très, très beau. Et justement, c'est un film qui vient de la Canoun et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de films qui viennent justement de ce studio qui produisait les plus belles œuvres iraniennes des années 70-80 notamment. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me demandais ce qu'il y a. Très, très beau film. Alors, c'est de l'ordinateur 2D, mais ça retrouve un peu l'idée de la peinture iranienne. Et c'est très, très beau. Et c'est un film qui raconte un peu. Alors, c'est vraiment un film sur l'enfance et qui raconte comment on joue. En fait, il joue un conte pour les enfants qui vont retourner en situation. Et le petit qui joue le loup, qui normalement doit gagner, va perdre. Et comment ils vont le revenir le voir. Donc, c'est vraiment très, très mignon, très beau. Et très beau visuellement aussi par rapport à ça. Allez, on avance en Off Limits. Moi, j'ai un réalisateur qu'il faut absolument connaître qui s'appelle Shinsaku Hayashi, qui a fait Leaking Life, dont j'avais présenté un film déjà au Piaf. Je suis désolé, mais en court métrage, là je parle du Piaf, pas pour faire de la pub, hein, mais parce qu'en effet, c'est un des moyens de les voir. C'est un très très bon réalisateur. Il est tout jeune, c'est assez incroyable. Et il commence à faire des films. Et il y a une. Alors, c'est sur de la peinture et on joue sur une. Alors, tu parlais d'organicité, un côté organique est très très fort là. Et je vais quand même reprendre deux films. Un qui a été un petit coup de cœur parce que Don't Know What, qui est un film d'un réalisateur Thomas Reinholder qui joue avec ce qu'est l'expérimental en faisant une comédie avec une phrase qui reprend tout le temps. En plus, ça a très bien marché aussi. Il l'a refait sur la cérémonie de clôture et ça a très très bien marché. Il fait I don't know what I'm doing now, I'm doing here. Et en fait, il joue là-dessus et il joue à la fois, ça reste conceptuel tout en étant drôle. Et donc, j'aime bien ce va-et-vient entre ces deux-là. Et parce que pour moi, c'est sûrement l'un de ses plus beaux films que j'ai vu depuis des années, en tout cas. Et c'est un réalisateur moi, qui m'a toujours impressionné. Mais alors là, vraiment, mais Un oiseau ne chantait pas, le dernier Pierre Hébert, que je trouve absolument incroyable. Pierre Hébert fait rend hommage, je trouve, de plus belle manière, tout en faisant du Pierre Hébert, à Len Lai, qui est, à mon avis, encore plus que McLaren, quelqu'un qui l'a influencé, même s'il parle beaucoup de McLaren, mais là, il fait son trait de tatou, il fait vraiment, enfin, fait un cinéma à la Len Lai, c'est absolument incroyable. Moi, c'est un film que j'adore. Il trouve ce que trouve Len Lai, la profondeur de champ, on le rattache sur pellicule, comme peu de gens arrivent à trouver, et là, il arrive à le trouver un tout petit peu. Est-ce que... Alors, moi, pour moi, la compétition Off Limits, c'est peut-être la meilleure que j'ai vue depuis 3-4 ans, je dirais. Elle n'existe pas depuis très longtemps, ouais. Mais je trouve que cette année, les films étaient vraiment tous pratiquement très, très intéressants. Alors, en soi, par exemple, un film comme Matter and Motion était quand même très simple et assez basique, mais je trouve que il fonctionne surtout à mettre en perspective avec les autres films présents. On avait aussi un film qui moi m'a particulièrement marqué, c'est le film qui a il avait remporté un prix, je crois que c'était le prix la première fois qu'il remettait un prix, d'ailleurs le prix Vimeo Staff Picks, et donc on trouve ce film en entier sur Vimeo aujourd'hui. C'est A Year Along the Geostationary Orbit de Félix Dirich, où on est vraiment là, je pense, dans ce qu'est finalement le off-limit. C'est-à-dire une réflexion sur les frontières sur la définition, on va dire, de ce qu'est l'animation et ses frontières avec les autres modes, les autres manières de faire du cinéma, on va dire. Et là, c'est un film qui est vraiment un film aussi scientifique. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on en voit assez peu et on en voit assez peu dans les festivals, c'est-à-dire des films qui reviennent un petit peu aux origines du cinéma, les origines du cinéma étant liées à la science et notamment aux réflexions sur le mouvement, sur les ralentis, les accélérés. Et là, c'est un petit peu ce qu'on a. On a une année à travers les yeux d'un spectateur qui est mis à distance, donc plutôt dans un espace proche vu de satellite, et un satellite qui observe la Terre et qui observe justement le climat météorologique sur la Terre pendant un an et qui est résumé justement en 15 minutes avec une musique qui est très minimaliste, pratiquement une note ou deux tenues tout au long du film. Et donc c'est un film qui est purement contemplatif et on se laisse complètement emporter dans des espèces de tourbillons. On a des ouragans, on a un petit peu tout, on a vraiment toute la météo possible qui défile, et dans un plan pratiquement unique en accéléré, en grand accéléré, et on est complètement pris, complètement immergé, on est vraiment, et il y a vraiment un jeu qui est assez intéressant sur la distance, je trouve aussi, la distance vis-à-vis du sujet, parce que trop près, on aurait été complètement à l'intérieur des éléments, on n'aurait rien vu. Trop loin, on n'aurait pas vu non plus grand-chose. Et là, on est vraiment sur quelle est la distance pour pouvoir essayer de regarder. Et il y a quelque chose d'assez narratif, malgré tout, dedans. Une narration qui est évidemment complètement distordue et complètement folle, c'est-à-dire on n'est pas dans quelqu'un qui raconte une histoire, mais plutôt comment la Terre, à travers les différents climats qui sont mêlés, va essayer de proposer quelque chose, finalement, elle-même, de manière complètement naturelle, et qui raconterait quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire, une histoire climatique, une histoire scientifique, météorologique, qui est assez prenante, finalement, et qui tient la route. Alors, je suis pas sûr que sur 2 heures, ça tienne le coup, mais sur 15 minutes, c'est juste complètement prenant. Alors, si vous voulez le voir, le film s'appelle A Year Along the Geostationary Orbit, et je vais plutôt vous dire le nom du réalisateur pour trouver. C'est Félix Deriche, donc D-I-E-R-I-C-H, Félix Deriche, D-I-E-R-I-C-H, et vous tapez, normalement, vous tombez, voilà, c'est son nouveau film, il est en effet sur Vimeo. Je vais, moi, juste, j'ai pas été emballé par tant de films que ça en compétition court-métrage, donc je vais juste dire les quelques films qui, et je vais les dire lendemain, mais voilà, si vous avez l'occasion de les voir, ça vaut la peine. C'est moi les films qui m'ont marqué, en tout cas qui ont été importants, d'ailleurs que j'aime des fois complètement ou pas complètement. C'est le cas avec le premier film qui s'appelle Acid Rain, d'un réalisateur qui s'appelle Tomek Popakul, donc Acid Rain, qui avait déjà fait 2 longs-métrages, dont l'incroyable Ziggernaut, son premier film en 2013, et c'est un film alors très immersif, qui est complètement voilà, on est dans une jeune femme qui veut s'en aller de chez elle, de sortir de cet endroit, de sortir de chez elle, et qui va se retrouver dans des aventures, dans une rêve, dans des trucs assez délirants, avec un personnage très trouble. Et je vous en dis pas trop, le film fait 25 minutes, et ben, alors à mon avis, c'est le genre de film où on est complètement 26 minutes où on est dedans, on n'est pas du tout dedans, c'est difficile d'être mais qui est à mon avis intéressant, et qui continue un peu le travail aussi qu'il a commencé à faire, le travail que fait Nikita Diacour, c'est-à-dire une 3D, une image de synthèse un peu différente. J'aime beaucoup The Six de Xichen et Xuan, mais j'aime quasiment, alors malheureusement Xuan est décédé, mais Xichen est là, et j'aime quasiment tous leurs films. C'est quasiment pour moi une évidence à chaque fois que je vois leurs films. J'avoue que le Kids de Michael Frey est plutôt réussi aussi. Kids de Michael Frey, on l'a déjà dit ici. Francis Gavel en a parlé déjà la semaine dernière. On dira jamais à quel point on aime Nuit Chérie de Lia Bertels. C'est un film qu'on adore, qui est d'une beauté, qui est d'une tendresse absolument incroyable, et qui est un film, moi, que j'adore, qu'on est beaucoup adoré, hein. Je suis pas le premier. J'étais assez toussé par la chanson de l'éléphant, The Elephant Song, de Lynn Tomlinson, sûrement à cause du sujet aussi, qui parle d'un éléphant de cirque en Amérique, mais qui mélange un petit peu avec aussi ce qu'est la ségrégation, et que je trouve intéressant, évidemment, à montrer, à voir. Allez, et je finirai, comme ça je vais te laisser 2 minutes, même pas 1 minute, c'est horrible. Allez, je vais finir avec un seul film, alors 2 films. Une Symbiosis, quand même, de Nadia Andreassaïev, que j'ai trouvé très trouble et très étonnant, et une femme jalouse des amants, des maîtresses, pardon, de son copain, de son mari, et qui va collectionner des cheveux, des choses comme ça de ses maîtresses. Et le film est très très trouble et c'est étonnant. Et puis peut-être parce que j'avoue, allez, je le dis, ça fait toujours plaisir de voir des étudiants, des anciens étudiants qui marchent aussi bien. Bastien Duprier, que j'ai eu la chance d'avoir en étudiant et qu'il avait avec Sous la Canopée, fait un film très très réussi en peinture animée, et il est en train de créer vraiment une cinématographie que je trouve absolument passionnante. Bravo à lui, et Sous la Canopée est un film absolument magnifique. Félicitations Nicolas, je te laisse, t'as allez 2 minutes. Ah oui. Alors en 2 minutes ça va être compliqué. Alors je suis d'accord avec tout ce que tu as choisi, et c'est vrai que par exemple le film de Tomek Popakul était vraiment intéressant, Acid Rain. Enfin, moi j'aime beaucoup aussi son précédent qui a moins circulé, qui s'appelle Black, et j'adore son univers. Après, on a un petit peu de temps, Et voilà, donc voilà. Tu peux prendre un peu de temps. Bon. L'émission d'après, c'est ça, n'est pas. Enfin, pas forcément. Non, donc okay. On va avoir 5-6 minutes en plus, vas-y. Donc voilà, alors moi, dans ce que je rajouterais à ta liste, je rajouterais le nouveau film de Quintus Lundgren, Thomas dans la vallée des loups sauvages. Pourquoi comme ses précédents, alors pour rappeler, elle avait fait notamment un film qui s'appelle Manivald, un autre qui s'appelle Life with Herman Ashroot. On retrouve toujours le même type d'univers, le même type de personnage, un petit peu comme si elle construisait un monde avec à chaque fois des petits personnages différents qu'elle faisait vivre, mais qui auraient une vie à part dans une vie parallèle dans ce même monde. Je trouvais que ça fonctionnait dans Manival très bien, ouais. C'était drôle et j'ai moins été touché, alors je l'ai vu qu'une fois, mais moins touché par celui-ci. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas cette force barrée qu'il y avait dans les autres films. Moi je trouvais qu'il y avait quand même cette force justement assez barrée qu'il y avait dans les films précédents quand même. Moi j'aime beaucoup son univers et j'ai l'impression de retrouver justement de découvrir d'autres personnages d'une espèce de monde qu'elle est en train de construire et j'aime bien ça. Et j'aime beaucoup aussi, je trouve que justement il y a quelque chose de complètement fou et d'assez barré dans cette espèce de chat qui est une espèce de féministe mais assez particulière, adepte du SM avec cette espèce de loup. En gros, on a la destruction du modèle familial classique pour arriver à quelque chose de complètement fou et de complètement malade, pour moi, qui fonctionne justement assez bien, qui assez différent de Manival, mais qui marche bien. Alors, c'est peut-être dans la durée, pardon, je te coupe, mais c'est peut-être que le film était un peu long pour. Enfin, j'aime pas dire ce genre de choses, mais le film était peut-être long et donc ne fonctionnait peut-être pas autant que Manival le fonctionnait. Alors que t'as raison, quand on reparle, l'histoire est plutôt réussie justement et elle arrive à camper des personnages toujours de manière très très forte et assez rapidement. Oui, c'est quelque chose et c'est vrai qu'il y avait en quelques mots, parce que on pourrait presque le voir sans sous-titres, rien du tout, il y a quelques mots par-ci par-là, je trouve qu'on arrive à donner une espèce de psychologie, si on peut dire ça, à ces personnages, qui est toujours assez intéressante et qui fonctionne très bien. J'aime beaucoup aussi un film qui est assez particulier, que je connaissais pas du tout le réalisateur ou la réalisatrice d'ailleurs. C'est Flood de Malte Stein. Oui, tout à fait, qu'un réalisateur. Réalisateur. Donc allemand, où les personnages sont assez moche, on va dire, mais c'est une laideur volontaire, avec un univers qui est assez malsain, qui est assez angoissant, où on voit dans une espèce de quartier de banlieue assez particulier, un lac, alors déjà un lac en plein milieu des immeubles, c'est assez particulier, qui commence à déborder et où un enfant qui est prisonnier de sa mère chez lui voit le lac complètement arrivé avec des ombres dedans, on a l'impression qu'il y a des corps qui flottent et où en fait il y a une espèce d'ambiance désagréable qui s'installe mais qui prend un peu au trip et qui est assez particulière. Et là je pense que le réalisateur arrive à placer une ambiance et à une histoire assez surprenante en là aussi quelques minutes et ça fonctionne très bien pour et moi. Je suis assez d'accord, c'est complètement différent de son film de fin d'études qui était dans un style différent, mais à chaque fois d'ailleurs c'est lui qui fait la musique, qui fait la voix et on sent, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment la chose assez personnelle, même c'est pas directement personnel, mais en tout cas dans un univers assez fort comme ça, assez personnel. Alors moi j'adore toujours Oncle Thomas, donc La comptabilité des jours de Regina Pessoa. Donc je l'ai dit, je le redirai probablement, donc je vais pas m'attarder sur le film que je trouve vraiment magnifique. Attends, on peut s'attarder juste 2 minutes parce qu'on a juste 2 secondes, on va pas prendre trop de temps en plus, mais quand même 2 minutes parce que moi j'ai eu un petit peu de mal. Regina Pessoa est une grande réalisatrice qu'on a en animation, j'ai déjà parlé d'elle tout à l'heure pour Les Young Gods avec Kali. Elle a fait évidemment Histoire tragique pour fin heureuse et Anoïté qu'on oublie souvent mais qui est un film assez magistral je trouve, et là elle nous raconte l'histoire de son oncle qui était un peu à part dans le monde de familial, on va dire. Il était comptable, en tout cas, il avait des chiffres, il parlait beaucoup de chiffres. Il y a un moment donné que je trouve très beau dans le film, et je trouve qu'elle est beaucoup dans son rapport à cet oncle, que je peux comprendre, puisque c'est le fait que cet oncle est sûrement l'un des premiers qui l'a appris à dessiner, qui l'a donné l'envie de dessiner. Donc évidemment, maintenant elle en fait son métier, donc c'est important. Mais je trouve qu'il y a peut-être quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, et dont elle ne parle pas du tout, et je peux, encore une fois, c'est c'est normal parce que c'est un truc familial. Visiblement, elle le dit à un moment donné, il porte sur lui toutes les erreurs de la famille, que la famille a pu faire, la famille a finalement fait faillite, etc. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous montre comment une personne peut d'un seul coup prendre le fardeau de toute une famille. Et comme elle fait le film sur elle et son oncle, elle en oublie un peu, je trouve, plus de parler de son oncle. Et son oncle est plus ce personnage, encore une fois, je peux comprendre, mais mythique, qu'elle a dans sa tête plutôt que réellement nous parler de cet oncle-là. Elle en fait presque une icône plus que réellement parler de l'homme. En même temps, comme c'est elle qui narre l'histoire, c'est vrai que c'est son rapport à cet oncle quand même qu'elle a créé un petit peu dans sa tête. Et je trouve que la manière dont elle le raconte, ça marche particulièrement bien. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que c'est quelqu'un avec justement peut-être quelques toc, mais qu'elle aime bien aller voir, etc. Et plus on avance, plus il y a une espèce de noirceur qui arrive aussi, je trouve, justement, notamment à travers la technique qu'elle utilise, à travers ce rapport à la couleur qui est assez subtil aussi. Et je trouve que justement, plus on avance et plus même si elle nous raconte pas l'histoire de cet oncle-là, je pense pas que ce soit vraiment le sujet du film. Et j'ai l'impression, moi, qu'on avance vraiment dans un rapport très intime, très familial, qu'elle se livre. Et pour moi, ça me touche beaucoup et ça me parle bien, justement. J'aurais juste avant que tu redis un mot, juste parce que sous la canopée, j'ai fait le côté un peu sentimental de l'ancien élève, ce qui n'est pas le plus intéressant, le plus important par rapport au film. Non, puisque j'ai une minute, vraiment, c'est un film qui est étonnant parce que c'est un film qui joue sur l'abstraction. C'est un film qui va être abstrait, qui va nous parler de manière en filigrane comme ça. Pas en filigrane, c'est le thème du film, mais un peu à la manière, vous savez, d'un morceau de jazz où, qui va avoir un titre et vous savez qu'il va vouloir vous parler de ça ou ça. Là, ça nous parle de la destruction de la forêt par l'être humain. On va le voir à la fin dans une scène absolument terrible à la fin, mais qui joue beaucoup sur l'abstraction, donc qui laisse aussi beaucoup au spectateur finalement de liberté quant à l'interprétation des images. Et la musique, qui est le même musicien qu'il a déjà utilisé pour ses films d'avant, est absolument incroyable, je trouve, dans ce film-là, qui en gêne certains visiblement, mais en tout cas que d'autres aiment beaucoup. Et voilà, je voulais quand même redire, parce que c'est plus que ça, le film vraiment joue, et puis visuellement il s'échappe, mais d'une belle manière, de ces deux précédents films, et il retente quelque chose de nouveau. Et en ça, je trouve ça assez impressionnant. Alors moi, j'aimerais juste parler d'un. Enfin, il y a encore d'autres films dont j'aimerais parler, mais je ne sais pas si on aura le temps. On ne va pas non plus passer toute la. Voilà. Donc notamment, alors par exemple, donc là, je vais passer assez vite, mais un film très beau, j'espère qu'on pourra le trouver sur internet, même si j'ai des doutes là-dessus, c'est Bridge, de Di Lu, ouais. Le film chinois en marionnette, alors marionnettiste dont on n'avait jamais entendu parler avant et qui arrive à faire une espèce de morceau de bravoure en marionnette avec un combat entre une espèce de Ronin, quelqu'un qui est affamé et enfin voilà, c'est assez c'est plus bluffant, je suis un tout petit peu déçu, on avait beaucoup parlé, ouais. Visuellement c'est assez incroyable. Après, c'est un petit peu décevant par rapport à finalement ce que ça raconte sur la longueur. J'espère en avoir un petit peu plus. Mais je suis assez d'accord avec toi. Visuellement, c'est assez épatant. Ouais. Un autre film dont on ne parle pas beaucoup, par contre, et que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Intermission Expédition de Wiebe Thewies, qui avait remporté le Grand Prix étudiant, justement, avec Départ à 22, il y a quelques années à Annecy. Et là, j'aime bien son rapport très simple, sans parole, rien du tout, avec un sujet donc des touristes qui arrivent dans un univers assez vide, où il y a une espèce de volcan, etc. J'aime assez la manière dont elle arrive à mettre en scène cette espèce de groupe de touristes trop touristes, on va dire, et l'espèce de critique un petit peu du monde qu'il y a autour. Donc voilà, je sais que ça, c'est pas un film dont les gens ont parlé quasiment, j'ai l'impression qu'il est passé très inaperçu, donc je sais pas ce que t'en pensais. Moi, mais je suis pas très très fan, voilà. J'aime beaucoup Détour, j'aime beaucoup son film de fin d'études, à la réalisatrice, j'avoue que celui-ci, je suis un peu passé à côté, je pense. Et par contre, un autre film j'ai vraiment adoré, donc il y en a d'autres que j'aimerais bien citer, mais là on va citer celui-là, The Juggler de Skirmanta Jakaite. Qui avait réalisé Géométrie non euclidienne, ouais. Qui était en compétition à Annecy en 2014, et qui est pareil, un film qui est très étonnant, quasi non narratif, même s'il y a une voix. Et je trouve que le rapport à la voix, à l'écrit et à l'image, avec une image qui est là aussi noir et blanc, avec quelques traces de couleurs ici et là, qui parviennent, tout ça est assez surprenant. On a une voix qui est presque une voix robotique. Je me demandais si elle n'avait pas été créée avec une machine, tellement elle était particulière. Et elle débite un texte dont on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants, mais on a l'impression d'être dans une une espèce d'univers mental de quelqu'un qui est assez particulier, qui est assez emprisonné. On visite une espèce de maison. Enfin, il y a quelque chose qui prend en trip. Pour moi, il y a quelque chose d'assez viscéral dans ce film-là et qui fonctionnait particulièrement bien. Bon, alors c'était un peu notre tour de tour d'Annecy. C'était un petit peu rapide. J'espère que voilà, ça fait un contrepoint, mais quelque chose en plus, une émission parallèle par rapport à celle qu'a proposé Fabrice et Francis et ça y est, je vais avoir oublié le nom de. Parce que c'était pas que Francis, ils étaient deux. Thomas Fouet, merci Nicolas, pardon. Donc Fabrice et Thomas qui vous ont proposé ça, c'est aussi pour un petit peu avoir ça. Nicolas, toi, je sais pas si t'es là, on va le faire en direct, t'es là en août ou... Donc je vais voir s'il y a un réalisateur, je sais pas si Ariel sera là ou quoi. Il se peut qu'en août, je vous propose une émission un peu particulière et spéciale fin août. J'essaye, on va voir si c'est possible avec Jonathan Oxon, grand réalisateur anglais. Je vais le faire venir ici. Puis Jonathan, il a un groupe de punk rock anglais. Il tourne en ce moment, il a fait un nouvel album. Et en fait, l'idée, c'était à la fois de parler de son travail, mais aussi de faire une émission musicale avec lui. Donc, on est en train d'essayer de monter ça pour peut-être fin août. Voilà, ça serait plutôt bien. J'ai hâte, Jonathan Oxon sera à Fontevraud, si vous avez l'occasion de venir à Fontevraud. Pour la rentrée aussi, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pour ça que cette émission était aussi un peu au dernier moment. Je remercie Nicolas et Allure d'être venus. On fera enfin une émission, parce qu'il faut la faire, sur André Martin. On vous a souvent parlé d'André Martin, en vous disant à quel point c'était un personnage important pour nous. Eh bien, on va faire une émission avec Nicolas, on espère Jean-Baptiste Garnero et le fils. Clément Martin, André Martin, et puis j'espère on lira des textes aussi de Pierre Hébert, qui est un grand spécialiste, en tout cas connaisseur d'André Martin. Et puis j'espère, puisqu'on était récemment dans une émission, dans un jury, ça fait déjà trois émissions de prévues. C'est la première fois où j'ai trois émissions quasiment de prévues entre plus celle de Jérémy. J'en ai quatre quasiment. Jérémy Clapin, j'en ai quatre. On essaiera aussi de faire une émission puisqu'on a eu la chance de participer à un très très beau festival qui est le festival du court métrage en plein air à Grenoble, qui est un festival que je vous conseille très. Populaire, voilà, tout le monde est là, il y a plein de séances en plein air, c'est vraiment très très agréable. On a eu la chance de faire partie du jury du syndicat de la critique avec Léo, dont j'ai oublié le nom maintenant, dont je vous en parle et je suis désolé, mais il sera là pour redire ça, et Nicolas. On a donné le grand prix à L'Heure de l'Ours, grand oublié, et de Zagreb et d'Annecy cette année, d'Agnès Patron. Donc on a essayé, voilà, merci aux programmateurs de Grenoble de l'avoir repris, et aussi un film d'Emmanuel Fraisse qui s'appelle Bloom, film de la Fémis, film pas d'animation mais qui joue sur les images et sur aussi un peu la nouvelle technologie, mais d'une manière très très très belle, un peu à la, comme disait la queue Kurosawa, hein, pour ses premiers films, Cairo. Donc voilà, donc pas mal de belles choses, j'espère, à la rentrée. Nicolas, évidemment, sera là aussi. Les deux, d'ailleurs, seront là. J'ai les deux Nicolas par rapport à ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Merci à Nicolas de nous avoir permis de tenir un peu plus longtemps, ce que je vais me permettre de faire. On ne l'écoutera pas forcément en entier, mais juste un tout petit peu le début. Je vais faire un petit hommage. Je l'avais déjà fait ici, j'en fais pas hier. Mon papa est mort depuis 3 ans et je n'ai pas pu aller là-bas pour le voir parce que j'étais malheureusement ailleurs. Donc je voulais juste mettre un album qu'il n'aurait jamais pu écouter. C'était un grand fan de Bachung. Et donc je voulais juste mettre un tout petit bout d'Immortel, parce qu'il l'est un peu, évidemment, pour moi. Donc on finit là-dessus. Et puis je vous souhaite des bonnes vacances si vous partez en vacances, et puis à bientôt, bye bye. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces aviné? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit,